Ce 18e épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Marc-André Chabot et Ben Demand Gagnon. Merci pour vos dons, les boys. Rétro Nouveau. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 18e épisode de Rétro Nouveau. Maudit qu'on avait hâte de revenir. Oui, hein, ça fait drôle, ça fait vraiment longtemps qu'on est parti, là, au-dessus d'un mois. Oui, ça fait vraiment longtemps, puis comme vous pouvez entendre présentement, on s'est grayé de On est allé se faire opérer la gorge, chacun, ouais, pour c'est mieux ça. Parler. Comme ça. Nos maudites voix de clochard ont pris le bord. Puis là, on a vraiment des voix dorées maintenant. Ben puis oui, on est sur le bord de devenir millionnaire. Nos voix sont achetées partout au Canada. The Golden Voice. Ah non, c'est malade. On est super contents. Puis vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point on a eu de la misère à setter ça pour vous faire un épisode. Ça fait une heure qu'on taponne là-dedans. Moi, j'ai taponné là-dessus toute la journée. On ne vous l'a pas dit, je pense. C'est ça. On a acheté des nouveaux micros pour sonner bien tête. Puis, oh my God, là, on gosse avec GarageBand, on gosse avec tous les écouteurs. Man. Nos micros sont trop performants. Oui. C'est trop des micros professionnels. C'est pas quoi faire avec ça. Ils sont trop professionnels pour nous autres. On n'est pas rendus là encore. We're not worthy. En tout cas, on va le faire pareil. Puis on espère que ça va bien aller. Là. Puis comme d'habitude, on s'ajuste à chaque épisode quand il y a des problèmes. C'est ça, exactement. Donc, si ça sonne comme de la marde, il vous en reste encore pour une heure. Puis nous autres, on ne sait même pas comment ça sonne en plus. Fait qu'on verra bien. C'est gratis, anyway. Ouais, là. Ouais, c'est gratis. Hey, faut pas virer fou. Non. Bon, ben, Bruno, explique-nous donc comment ça va se passer, Rétro Nouveau, cette année, un peu. Oui, c'est ça. Il y a des changements qui ont été amenés au podcast. On va le faire nu, premièrement. Oui, c'est ça. Déjà là, on est en chest. On vous avait donné un avant-goût avec la vidéo de Nick en chest. Non, mais en camisole. Mais non, c'est ça, c'est juste pour vous dire que on a décidé de faire des changements, dans le fond, à cause que on a discuté, puis on s'est rendu compte que les critiques, au final, il y en a tellement partout. Puis même si on critique des affaires que les gens, que personne d'autre critique, les jeunesses ou tout ça, on dirait qu'on en nous réécoutant, on se disait que les critiques, c'était la partie peut-être la moins dynamique, la moins amusante à écouter de notre émission, finalement. Ben c'est ça. Puis aussi, l'écho du public, l'écho des fans, c'est tout le temps la même affaire. C'est que ce qu'ils aiment, c'est nos discussions, c'est nos échanges entre nous autres. Ouais. Quand on parle tout seul, qu'on fait une critique, des fois, c'est ça, on y a pas joué tous les deux. Ouais, des fois, c'est sûr qu'il y a moins d'échanges. Des fois, je parle tout seul un peu plus. C'est ça. Donc, puis aussi une critique juste audio, je trouve tout le temps ça plus c'est touché, tough hein? Que visuellement. Tu sais, visuellement, t'es comme, t'as le jeu dans la tête, tout ça. Fait que, anyway, tout ça pour dire qu'on va dorénavant, puis là, c'est un test, là, c'est un work in progress, mais ce qu'on se dit qu'on va faire, c'est que les critiques qu'on veut faire et qu'on tient absolument à faire, on va les faire en vidéo. Absolument. Fait que ça va se retrouver là-dessus. En fait, là, oui. Chez nous, toi chez vous, moi chez nous, puis on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai rien pour enregistrer du gameplay présentement. Non. J'ai vu faire avec Azura's Wrath. Oui. Puis. J'ai filmé mon écran, puis ça sort très bien. Ouais, c'est moi, sûr ça sortait que. Ça pas bien. J'ai essayé c'est de filmer, puis ça marchait pas. Mais tu sais, on regarde, on va s'équiper, on puis va sinon, on va s'arranger, on va trouver un moyen. Mais au pire, moi, je vais juste me mettre en chaise dans le fond, puis je vais tenir le jeu. Oui, d'accord. À côté, la cassette, tu sais, entre. Mes seins. Ouais, ça va, écoute, ça va être parfait, là. Ça sera ça. C'est tout. Mais non, mais c'est ça, tu sais, le but là-dedans, c'est juste d'améliorer notre offre. Puis nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé Rétro Nouveau, vraiment, là. C'est notre deuxième année, si on peut dire, même si on n'a pas fait un an complet, c'est la deuxième saison. Puis on veut vraiment améliorer ce qu'on fait, puis on veut vraiment vous donner. Dans le fond, on veut vous donner quelque chose qu'on aimerait recevoir. Ouais, c'est ça. C'est littéralement ça, fait que. Mais les critiques, ils vont pas. Je veux dire, ça va pas être des. Prennent pas le bord non plus. Mais ça va être des survols. C'est ça. De ce qu'on joue dans l'instant. Ouais. Mais je trouve que ça va être plus facile aussi à préparer à la maison. Ouais. Comme c'est quand même assez de taponnage, sortir le pad puis prendre des notes puis tout ça. Puis exact. Souvent, ça empêche de jouer à plus longtemps à d'autres jeux. C'est donc, ça. Fait que là, on va vraiment faire un survol de ce qu'on joue pendant. Puis des fois aussi, il arrive des moments où pendant 2-3 semaines, tu es sur le même jeu. Ben oui, c'est ça. Parce que tu tripes, tu sais. Parce que quand tu as un nouveau jeu à chaque semaine, tu n'as jamais le temps de rien finir. C'est ça. Très peu, il faut que tu joues beaucoup. Donc, tu ne joues pas en profondeur, tu sais. C'est ça. Ça élimine tous les RPG. Ouais. Ça élimine Dark Souls, tu sais. Ça élimine tous ces jeux-là là, qui sont fucking longs. Ah ouais, c'est ça, c'est sûr. Puis. Parce que, dans le fond, ce qu'on va offrir, puis ce qu'on espère vous offrir, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres podcasts non plus. Fait que toujours autant de discussions, autant de fun entre nous deux. Puis c'est vraiment, deux gamers qui trippent, mais qui veulent aussi vous donner l'histoire l'histoire du jeu, l'histoire de ce qui se passe dans le jeu. On va vous donner plus de contenu comme ça, du contenu. Du contenu préparé, vraiment, là, quand même. On va apprendre des choses. On va segmenter l'émission aussi par chronique. On ne vous fera pas le listing ici, vous allez vous en rendre compte. Mais non, c'est ça. Vous allez le découvrir là. Ça va revenir, là. Ça va être les mêmes chroniques à positionner au même endroit à chaque semaine. Donc, exact. On va avoir une structure. On va être structuré finalement. Puis on va essayer de rapetisser aussi les shows. Exact. Sinon, on dépassait pas mal. D'ailleurs, notre intro s'en vient pas mal. On est en train de le dépasser, là, juste avec l'intro. Fait que je pense qu'on va enchaîner tout de suite avec. On va faire un survol de tous les jeux auxquels on a joué pendant les fêtes. Rapidement. Fait que, en passant, joyeux Noël. Joyeux Noël encore. Bonne année. On s'en est pas reparlé. Donc, bonne année tout le monde. Moi, j'en ai un bon paquet. Toi aussi, Bruno, ça en couvre un estita, comme on va dire. On va te laisser commencer parce que t'en as quand même pas mal. Puis on en a des pareils même. Ouais, on a des pareils. Oui. Bon, je vais y aller straight comme je l'ai listé. Oui. Je suis allé chez un de mes amis et puis il y avait un Xbox 360. Oh. Donc, moi, je suis pas un hater de Xbox, rien que je ne possède pas de Xbox. Bon, oui. Alors, j'ai pu jouer à des jeux exclusifs. Puis, ça m'a fait bien de la peine de savoir qu'ils sont exclusifs à Xbox parce que c'était vraiment bon. Puis le premier, ça s'appelle Trial HD. Oh yes, ça c'est le fun. Le jeu de motocross, c'est super cool. Pour ceux ça. Qui ne le savent pas, du Trial, c'est comme tu peux le faire en vélo ou en motocross. Ouais. C'est pas une course là, de vitesse, c'est une course à obstacles. Ouais. Tu tiens toujours en équilibre sur ton vélo ou sur ton motocross. Puis il faut jamais que tu mettes le pied à terre sinon tu perds des points. C'est ça. Donc ça, c'est un jeu de ça. Donc tu es tout le temps en train de jouer avec le gaz par en avant, par en arrière. Tu tapones un peu comme ça, puis tu y ailles délicatement. Puis aussi, il y a tout le temps, tu meurs là-dedans de façon horrible. Ton bonhomme, il se pète la gueule. Ah, puis il tombe dans le feu. C'est un ragdoll. Les obstacles sont meurtriers. Au début, c'est bien simple. C'est juste du plywood. Puis après ça, là, ça part. Là. Il y a des tonneaux de feu de gaz. Ah oui. Ça me rappelle un peu Pain. C'est ça le oui, jeu? Vraiment. Là, ça me rappelle Pain sur PSN. Oh, oui. Bon, là-dedans, c'est pareil. Là. Quand tu arrives au finish, là, seulement ils font rentrer dans un mur. Là, il reste pas grand-chose. Ça saigne pas. Tes bras arrachent pas. Mais le bras. Ah oui. Il se fait maganer. Ah, il y a la vie dure en maudit. Mais moi, j'adore ce jeu-là. C'est vraiment le fun. C'est un de mes préférés. Ben, je l'ai acheté. Ah, ouais. Puis je trippe. C'est vraiment bon. J'y reviens en plus. C'est un peu comme. Oui, tu y reviens tout le temps. Tu vas améliorer ton temps, en fait. Oh, oui. Il y avait même un exclusif sur PlayStation Network qui était Joe Danger. Maintenant, il est sur Xbox aussi. Puis pendant longtemps, Joe Danger, ça a comme été mon Trials sur ma PS3. Ouais. C'est un peu le même genre de jeu. Mais sauf avec un Excite Bike aussi. Oui, c'est Trials, c'est. Non, c'est réel. C'est réel, sauf que je veux dire, c'est quand même pas Mortal Kombat avec du motocross. Là, non, mais il essaye de représenter un vrai gars. Oui, c'est ça. Oui, puis il est quand même assez grand dans l'écran. Puis, mais très bon jeu. Très, très bon jeu. Oui. Moi, regarde, il y a un jeu, ça fait super longtemps que je veux acheter. Et je me suis jamais décidé, parce que là, finalement, je me suis décidé à m'abonner au PlayStation Plus. Ah ouais, t'as décidé de faire ça? Ouais, j'ai décidé de faire ça. Si ça vaudrait la peine. Ben, regarde, moi, je l'ai fait pour 3 mois. Okay. Puis je l'ai fait à cause que j'achète tellement de stock là-dessus que je me suis dit, ouais, un moment donné, tu sais, au final, je sauverais de l'argent. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais prendre le 3 mois, on verra. Si j'aime ça, je vais garder. Si j'aime pas ça, je le garderai pas. Comme de fait, je me fais fourrer solide parce que là, j'ai pris pour 3 mois et j'ai vraiment le goût de le garder. Ah ouais, c'est clair. Parce que je fais énormément d'économies. Là. Depuis que je l'ai, j'ai fait beaucoup d'économies. Puis j'ai commencé ça en achetant Magic Orb, qui est un jeu qui m'intéresse depuis super longtemps parce que je trippe sur les jeux de style Breakout, qui est dans le fond Casse-Brique en français. qui est Arkanoid, tu vois, c'est ça, des trucs comme ça. Puis ça, c'est comme Arkanoid, Mais je dirais pas arcanoïde sur l'acide quand même, là, parce que ça, c'est une expression qui est en train de partir, ça. Là. J'ai parlé avec Mike Ward cette semaine. Des affaires sur l'acide? Ah, oui, il disait le prochain qui dit des affaires sur l'acide mérite un gros coup de pied dans le cul. Ouais, ben ça s'est dit un peu trop longtemps. ça s'est dit souvent. C'est comme jazzy, c'est un peu gossant. Là. Mais bref, tout ça pour dire que Magikarp, c'est comme arcanoïde, mais avec des vrais éléments. Fait que là, tu commences le jeu, puis... C'est, t'as la même vue isométrique, sauf que tes éléments en place, admettons que c'est un thème de pirate, ben il y a plein de pirates partout, puis des bateaux, puis t'es fait tomber avec des boules. OK. Fait que c'est super le fun. C'est, visuellement, c'est vraiment intéressant. C'est pas le jeu du siècle, mais il m'a coûté 4$ à cause du PlayStation Plus. Puis là, en plus, toutes les DLC qu'il y avait avec, qui coûtaient avant quelque chose, là, sont gratuits avec PlayStation Plus. Fait que j'en ai profité, un bon petit jeu à donner. C'est le fun des petits jeux de même. Ah, mais en que c'est le fun, ça passe bien le temps. Là. Quand t'as pas grand temps, c'est parfait. Ah, absolument. Ah, ben je vais aller checker ça. Yes. Mon prochain jeu, c'est un jeu auquel t'as joué toi aussi, puis j'avais déjà joué avant, puis là, je capote. Il est arrivé sur la 3DS, c'est VVVVV. Ah, oui. Puis j'ai découvert ce que ça voulait dire, toutes ces V-là. Ben, ah, moi, oui? Ce que je pensais, ma théorie, c'est que quand tu colles toutes les V ensemble, tu sais, ça fait... En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ah, ben oui, c'est là, ça. C'est ça, le bonhomme passe son temps à c'est un peu le principe la du jeu. Là. Peut-être que c'est ça, mais aussi, il y a les 6 personnages là-dedans. Leur nom commence tout par V. Donc, voilà. C'est peut-être un mélange des deux. Donc, on avait déjà parlé, dans le fond. Ouais. J'en avais parlé légèrement quand j'avais fait ma critique de... jeu de... T'en as parlé de VVVVVVV. Ouais, c'est ça. Ah, je m'en souviens pas. Antipôle, parce que c'est un peu le même principe le là, même de principe, gravité. Là. Sauf qu'antipôle, quand tu switches la gravité, tu peux la changer en plein mouvement. Ouais. Si tu pèses pour aller par en haut, tu peux à mi-chemin peser puis retourner en bas. Mais ouais. V, tu pèses une fois, tu montes. Ouais, c'est ça. C'est quand tu colles à la plateforme. C'est vite en tabarnouche dans V. Puis écoute, moi, ce jeu-là, je le trouvais pas cher. Là. Genre 5$. Il est super beau, il est 3D. C'est le fun parce que quand tu ouvres un jeu, tu veux commencer un jeu sur la 3DS, il y a tout le temps une petite icône d'animation. Ah, c'est cool, ils ont fait la cassette. La cassette de Commodore 64. Parce que les graphismes de ça, là, c'est Atari, là, Commodore, là, pas plus compliqué que ça. Les fonts. Ça fait penser à ça. La fonte me fait penser à Commodore, c'est surtout ça. Ah, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Puis, écoute, j'ai joué, j'ai passé au travers. Il me manque des trucs à ramasser. Mais il y a beaucoup aussi de missions, d'autres missions. Écoute, il y a genre une autre 15 ou quasiment 20 autres missions. Des gros tableaux vastes, là, qu'il faut que tu ramasses des trucs, puis ils t'en donnent, là, dans le... Et bon, toi, ta barouette. Moi, il m'a comme découragé à un moment donné, là. À un moment donné, tu décourages, là, tu le fermes. Tu recommences le lendemain matin, puis ça marche, tu sais, t'es capable de continuer. Hey, parce que c'est un pixel de trop, là. Ah oui, oui, ça pardonne pas, là. Non. Mon bonhomme, il glisse un petit peu, là. Oui. Au moins, quand tu meurs, tu recommences tout de suite à la même place. Oui, c'est ça, puis il n'y a pas de loading, rien. Pas de loading ni rien, donc tu peux mourir. En fait, il compte tes morts là-dedans. Oui, c'est ça. Paquet, là, c'est un peu déprimant. Puis j'ai vu que, comme tu peux réussir à passer ce jeu-là sans mourir, puis ça te débarque quelque chose, c'est un jeu. Si quelqu'un réussit ça, donne un Intellivision. Mais oui, c'est impossible, là. C'est vraiment impossible. Aïe, aïe. Fait que moi, j'ai encore du gros, gros fun avec ça. Puis je veux juste mentionner aussi le soundtrack. Il y a un des meilleurs soundtracks que j'ai entendu. On a vu ça sur RetroNouveau.ca. T'en as mis quand même une couple. J'en ai mis couple, deux là. Tracks. Là, puis c'est de la bombe. Là. C'est vrai. Je commence l'année avec ça. Puis j'ai hâte de voir si je vais entendre la meilleure musique que ça cette année. Oh, à ce point-là. Hein? Ah, ouais, c'est vrai. Ben, c'est vrai qu'elle est bonne quand même. Non, c'est vraiment le fun. Donc, c'est vraiment, pour la 3DS, ça vous prend ça absolument. Oui, c'est ça. Un jeu indépendant en passant. Hein. Ça, c'est des gars qui ont fait ça chez eux. Là. Donc, ça l'a encore. Non, c'est vraiment bon. C'est dans la même veine que Cave Story. Là. Ouais, c'est le même genre de jeu. Moi, j'ai vraiment trippé. J'ai joué aussi pas mal à VVVVVV. Le prochain jeu aussi, on l'a en commun. Mighty Switch Force de nos amis de WayForward. Ouais, j'attendais aussi. Ça avait l'air bien, bien. Ça avait l'air cool. Puis, Crime, je suis content. Je suis vraiment, vraiment pas déçu. Je pense que pendant les fêtes, ça a été le jeu auquel j'ai joué le plus. Bizarrement, là, j'avais des jeux de console next-gen et tout ça, puis de retourner à Mighty Switch Force. C'est tellement pratique d'avoir une console portable sur le coin du divan, tu sais, pendant que ta blonde d'un coup à Switch à une émission que t'as pas envie de voir, tu sors. Fais juste ouvrir ta 3DS, plac, ta game est ouverte, tu commences à jouer tout de suite. Moi, c'est ce que j'aime. Puis, surtout que celle-là, de la façon qui est faite, Mighty Switch Force, c'est que c'est des petits tableaux, mais plus ça avance, plus c'est difficile. Puis j'aime la J'aime justement la thématique de Switch, que tu switches les briques qui apparaissent ou qui disparaissent. Il y a vraiment, je trouve, pour une des premières fois, l'utilisation de la 3D est très justifiée là-dedans. Là. Parfait. C'est super beau. Puis moi, sans 3D, je l'ai essayé. Puis j'étais comme, non, j'ai besoin de la 3D. Fait que c'est cool de voir que c'est comme des jeux indépendants qui me donnent le goût de jouer en 3D. Ouais. Plus que Super Mario 3D Land ou Mario Kart ou des jeux comme ça. C'est trippant ce jeu-là. Là. C'est vraiment cool. Et celui-là, c'est le troisième d'une série. Hein. Oui. Il y a Mighty Switch Champs. Il y a Mighty Milky Way. Mighty Milky Way, j'ai failli me l'acheter, mais... J'ai pas essayé. J'ai jamais essayé aucun des deux autres, mais j'ai lu là-dessus. Tip Champ, il est bon. Oui. Mais... Tu sais que c'est tout supposé être bon, j'ai envie. Là. Ils sont tous disponibles. Là. J'ai envie de les acheter, les deux autres, mais en tout cas... C'est que Milky Way, c'est comme le plus simple des trois. OK. C'est un peu ça qui me fait peur. J'ai peur, genre, d'être... que ça soit le genre de... Ben, j'ai peur. Pas peur, mais... D'après moi, c'est le genre de jeu qui durera peut-être pas longtemps. T'sais, peut-être genre pour une soirée, c'est bon, mais. Ben, déjà, Switch Force, moi, j'ai passé je sais pas combien de temps là-dessus. Sinon, je mets tout bout à bout, là, 3 heures. Mais c'est ça, si je mets tout bout à bout, j'ai fini toutes les 16 missions. Puis après ça, il te donne un genre de gun là, plus fort. Puis, c'est plus facile après ça de refaire les missions. Parce qu'en fait, tu peux prendre tout le temps que tu veux pour les faire. OK. Mais t'as un beat de clock. Ouais. C'est, faut que tu le fasses, un par dans le fond, ils disent. Faut que tu le fasses en 1 minute 50 pour avoir l'étoile. Okay. Là, j'ai réussi à toutes les repasser. J'ai des étoiles partout, sauf les 3 dernières missions. J'ai tout refait le jeu. Là, puis tu te rends compte en jouant aussi que c'est pas fait n'importe comment. Non. Si tu prends le bon chemin, ça coule. Ouais. Tu sais où aller, ton bonhomme va par là. Ok, c'est logique, après ça, il va par là. Ben oui, après ça, il fait ci, il fait ça. Donc, c'est bien pensé. Ah, c'est vraiment bien pensé. Le design des tableaux est écœurant. Puis même, j'aime ça la façon dont les ennemis revolent dans l'écran quand ils pognent une brique. Mais bref, c'est... Ben aussi, c'est important de mentionner, on est comme une petite policière, là, un peu sexy. Ouais. Il y a comme 5 sœurs qui sont un peu... qui ont des gros seins, tu sais, qui sont enchaînées. Là, ouais. Il faut que tu les ramasses. Des c'est comme un peu top, sexuel, là. Tout ça, en même temps. Ça n'a pas déplu. Puis à la fin, tu rentres dans un gros robot en métal. C'est ça. Quand tu as fini ton tableau. C'est fait cute. C'est cute. Puis même si vous avez la chance, allez voir le fan art puis les dessins qui sont là-dessus. Ça montre qu'il y a vraiment une espèce de petite communauté autour de WayForward. Là, le monde tripse le jeu puis commence à voir qu'il y a quoi d'intéressant ce développeur-là. Ah ouais, c'est un gros développeur, c'est vrai. Malade. J'attends tout le temps ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Là. Ah ouais. Je suis jamais déçu. Absolument. Hey, fait que toi. Attends un peu, sur TweetDeck, s'il y a quelqu'un qui a popé, là, accro des jeux. Il dit: continuez de même, votre podcast est génial pour les joueurs de jeux rétro comme moi. Bon, yes, sir, man. Accro des jeux. Ben, accro des jeux, ils ont un podcast aussi que je n'ai pas encore écouté, non, je l'avoue. Donc, il va falloir checker ça. Merci, les gars. Donc, je vais continuer aussi en Xbox 360. Oui. Je vais faire ça rapide. Le temps, on est déjà à 17 minutes. Ben oui. Pour en avoir parlé un petit peu aussi auparavant, j'ai essayé Radiant Silver Gun puis Ikaruga. Ce sont deux shoot'em up faits par Treasure. Ah, Ikaruga. Exclusivement disponible sur le Xbox Live Arcade. Oui. C'est ça. Ça, c'est des shooters que, si vous aimez les shooters, il faut essayer ça. C'est des grands, grands classiques. Oui. Moi, surtout Ikaruga, où est-ce que... C'est ça, moi, c'est ça j'allais dire. Ikaruga, c'est un classique déjà. Là. C'est ça, ton vaisseau, mettons, il est noir. Fait que quand tu tires, quand tu tires les ennemis blancs, ça les tue vraiment. Puis tu peux absorber les balles noires. Puis là, tu changes pour le blanc. Puis là, c'est le contraire. Dans le c'est fond. Ça. C'est autour de ça que ça joue. La musique est belle, les graphismes, c'est vraiment écœurant. Ça, c'est disponible sur la Saturn. Tu vas pouvoir me pogner ça. Puis, mais Ikaruga, tu savais que le jeu Outland d'Ubisoft avec le personnage qui change de couleur rouge-bleu, oui, c'est le même genre. Le concept de base, ça vient d'Ikaruga. Et aussi pour Ikaruga, si vous voulez, là, le jeu est fait vertical. J'ai vu sur YouTube du monde mettre leur télé À la verticale pour jouer à Ikaruga. Ah, donc, si jamais on fait une soirée gaming, là, je vais m'arranger pour qu'on aille ça et qu'on mette une télé verticale dans le coin avec Ikaruga, ça serait malade. Ah, ce serait écœurant, hein? Ah, vraiment, là. Donc, Radiant Silver Gun et puis Ikaruga, Xbox 360, très important. Nice! Ben, je continue rapidement. Moi, je parle de la déception que j'ai eue vraiment pendant les fêtes. Je suis allé m'acheter Shinobi, finalement. Ouais, pour la 3DS. Ouais, je sais qu'il y a Frank Courchen, un de nos fans qui a trippé sur Shinobi. Ah, il l'a aimé. On en a parlé, lui, il l'a vraiment aimé. Les critiques sont partagées là-dessus quand même. Les critiques sont vraiment partagées. Fait que je pense que c'est ça, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je m'attendais à un autre jeu puisque j'ai vraiment trippé sur Shinobi, l'original. Puis je trouve que ça, ça n'a rien de l'original. Les contrôles sont complètement différents. C'est plus complexe. Puis je trouve que le design des tableaux est intéressant au départ, ouais, mais se perd par la suite. C'est de moins en moins intéressant. Plus on avance dans le jeu, normalement, ça devrait être plus intéressant plus tu avances. Puis là, c'est le contraire. C'est de moins en moins intéressant. Les tableaux sont trop longs pour leur propre bien pour un jeu de console portable. OK. C'est interminable, les tableaux. Puis à un certain point, même, tu es obligé de te mettre à facile parce que tu n'as même plus de fun. Ouais, pareil que ça devient vraiment dur. C'est vraiment ça, c'est le classique de Shinobi quand même. Là. C'est ça, c'est le classique de Shinobi. Mais quand c'était Shinobi en 2D, c'était pas si compliqué que ça. Là, ouais, tu utilises toutes les boutons de la 3DS, mais vraiment toutes. Fait que tu sais, pour un jeu rétro que tu utilises 6 boutons puis ton D-pad, je trouve ça un peu weird. Ben, pour 40$, il fallait qu'il t'en donne un. Ouais, c'est ça. Utiliser tous les boutons, ça coûte cher. C'est 40$, on prend tous les boutons, tabarnouche. T'es un peu déçu que tu me dises ça, parce que moi, je m'en allais l'acheter. Puis, ben écoute, ça, non, mais tu devrais pas être déçu. Dans le fond, t'es content. Moi, je trippe pas, fait que c'est sûr que je vais te l'amener. Ouais. Mais tu sais, c'est pas un mauvais jeu, loin de là. Je suis juste déçu. C'était pas ça que je voulais vraiment. Puis tu sais, il y a des tableaux qui sont complètement vides. Le tableau qu'on voyait dans le trailer où tu es en cheval, il y en a même un autre où tu te promènes sur le dessus des véhicules. C'est vide, là. Il n'y a rien à faire là-dedans. C'est juste comme du... C'est du tape à l'œil, là. Il n'y a absolument rien là-dedans. Il n'y a pas de gameplay, rien. Fait que, tu sais, c'est juste qu'il y a des petits trucs dedans que je trouve plates. Les batailles de boss sont écœurantes. Okay. C'est probablement le point fort du jeu. Mm-hmm. Mais à part de ça, j'ai été déçu. Ah ben. Je vais te l'emprunter, ça. Ben oui, c'est ça, je vais te l'amener. On va continuer dans les ninjas. Ouais. J'ai joué à Ninja Gaiden Dragon Sword au DS. J'ai fini ça avant Noël. Je l'ai emprunté à mon beau-frère. Puis écoute, j'ai adoré ça. J'avais essayé un petit peu auparavant. J'avais joué comme 5 minutes, c'était pas assez. J'ai passé un été complet, moi, là-dessus. Ah ouais? Puis c'est place, je voulais en parler à M. Net. La saison a commencé, je lui étais rendu trop vieux. Ah ouais? Ben, rétro nouveau, il n'y a jamais rien exact de trop vieux. Donc, me voici pour vous dire que c'est un jeu fait par Team Ninja. Oui. Qui sont. Ils sont responsables pour tous les jeux de Ninja Gaiden. Entre autres. Oui. Puis d'autres aussi. Oui. Puis c'est un jeu qui joue au stylet. Hein. Tu donnes les coups, tu fais des combos avec ton stylet, toujours. À la verticale, en passant. Tiens, aussi, c'est ça. Ta DS ou ta 3DS, tu la tiens à la verticale. Les boss, ils sont vraiment gros. C'est des gros, gros boss, là. Puis c'est tout le temps un peu la même façon qui t'arrive d'en face, là. Surtout le boss de la fin, il est vraiment big. C'est très japonais, là, la musique, là, les petits sons, là, tu sais, puis le graphisme est vraiment beau aussi. Puis écoute. Plein de trucs pré-rendus, j'ai trouvé ça cool pour la 3DS, ça fonctionne au bout. Oui, il marche bien. Ouais. Puis Ryu, tu sais, il est bien comme gueule, là, tu sais. Ouais. Tu sais, il tue, là, le monde, là, il est tue. Puis, c'est un petit écran, là, ça saigne pas à mort. Non, mais c'est cru, je trouve. Hein? C'est cru. Oui. C'est très cru pour un jeu de DS. C'est vraiment intéressant. Tu as des power-ups, tu boostes ton épée, tu boostes tes affaires, tu as des projectiles aussi. Des sensi, je pense, que tu peux faire justement avec des espèces de mouvements. Tu fais une lettre chinoise. Oui, oui, oui, c'est ça. Un peu comme Castlevania, Order of Ecclesia. Mm. Que tu faisais ça, je pense, ou Portrait of Ruin. En tout cas, il y a un friend. Non, c'est Harder avec les yeux. C'est Harder avec les yeux. Il apparaît, puis il faut que tu retraces le dessin. Là, c'est un signe japonais, c'est très facile à faire. Là. Oui. Mais un signe chinois, whatever. Puis ça fait de la magie. Là, donc, on a des grosses magies. Non, c'est très complet, c'est vraiment le fun. J'ai adoré ça. Vraiment, là, je fais ça. Il n'y a rien de négatif à dire. Peut-être un petit peu dur. Peut-être les joueurs occasionnels ne triperont pas dessus. Là. Ben, faut être patient. Faut être patient, pas mal. Puis, moi, je l'ai mis à normal, là, comme d'habitude. Ça a bien Il y a certains points qui m'ont dérangé, moi, comme entre autres, à un moment donné, j'étais dans une grotte, puis j'avais un passage très étroit, puis je me battais avec des ennemis. Il n'y a pas de mur invisible dans Dragon Sword. Fait que je tombais tout le temps en bas. Ben, en tout cas, où j'étais, avait pas. Je sais où tu parles. Puis là, quand t'arrives en bas, il y a de la lumière. Ah, man, ils spawnent tout le temps. Là. T'as tout le temps des ennemis qui reviennent, des espèces de bonhommes qui ressemblent à Baraka. Puis... je rushais vraiment, puis ça m'a fait décrocher, là, je pense, pendant à peu près deux semaines. Mais il n'y en a pas trop de ça, par exemple. Non, il n'y en a pas trop, là. C'est. Mais des fois aussi, ton personnage devient petit. Ouais. T'es comme, la caméra est hyper loin. Ouais. Là, t'es comme sur le bout d'une corniche, là, tu sais, puis t'avances, puis il y a des chauves-souris qui t'attaquent. Des fois, t'es super proche. Des fois, tu te vois de côté. Des fois, tu te vois de dos. Utilise le maximum, puis le rendu aussi de l'environnement est vraiment. Non, c'est ça. Mais les pré-rendus là, pour la DS, c'est de la bombe. Je trouve que c'est vraiment de la bombe. C'est de la bombe. Marche au bout. Donc, ça vous le prend. Nice. Moi, par la suite, j'ai joué à Pushmo. Puis Pushmo, Colin, j'en parlerai pas longtemps, mais c'est vraiment trippant. Ouais. J'ai hésité, moi. Je l'ai pas pris, finalement. Ben, moi, check. Au début, là, je le voulais pas, ce jeu-là. Je le voulais vraiment pas. Je regardais les trailers, là, puis ça m'intéressait pas en tout. Puis je me disais, un autre jeu de puzzle, je sais pas si ça me tente de me creuser la tête encore. Puis oui, ça me tente de creuser la tête. C'est super le fun. C'est vraiment, la mécanique est très simple. On tire des éléments vers nous, puis on essaye de monter jusqu'en haut pour aller délivrer un petit bonhomme. C'est aussi simple que ça. Sauf que ça devient de plus en plus complexe. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont mis des formes dans les puzzles qui représentent certains icônes de Nintendo. Fait que, tu sais, mettons, t'as Link, t'as Mario Bros, t'as plein de personnages de Nintendo. Puis tu peux aussi créer tes propres tableaux. Donc, dans le temps des fêtes, moi, j'en ai créé un de rétro nouveau. Puis en tout cas, si vous jouez à Pushmo, allez télécharger ça. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de photographier le code QR qu'il y a à côté du tableau. Il est sur notre site, donc vous avez juste besoin de chercher dans le nouveau, chercher Pushmo, puis vous allez le trouver tout de suite. Puis c'est vraiment un petit jeu génial qui coûte tellement pas cher là, pour les valeurs de production. Il coûte 5$. Il coûte 5$. Ouais. Puis pour ce qui est de l'utilisation du 3D, c'est le meilleur. Puis je pense qu'en termes de contenu, c'est le jeu le plus complet qui existe sur le eShop. Parce qu'il y a vraiment énormément de tableaux. Là. Je veux dire, il y a du monde qui vont acheter une copie de Tetris à 30$. Ça coûte 5$, puis tu as le même contenu que Tetris. T'en as pour longtemps. Là. Puis tu peux créer tes propres tableaux, puis créer des tableaux dans Pushmo, c'est le fun. Oui, parce que des fois, c'est plate de créer des tableaux. Exact. D'ailleurs, je veux en parler tout de suite. Ben, si t'as fini avec... Ben, j'ai fini. Fait que vas-y, c'est un excellent segue. Je joue à Mario vs. Donkey Kong au Game Boy Advance, que j'ai reçu à titre d'ambassadeur. Et je joue aussi à Mario vs. Donkey Kong Minis March Again. Oui. Puis, il y en a un des deux... les deux, je sais pas. Non, excuse, c'est Minis March Again que t'as de la construction à faire dedans. Oui. Puis, pas embarqué, pas en tout. Non, c'est pas évident de monter des tableaux. Là. C'est plate de faire ça. Ouais. Puis là-dedans, c'est comme le jeu est vraiment le fun. Il fait la construction, là, il n'y a rien de fun là-dedans, moi j'ai trouvé. Ouais. Un peu trop compliqué. Donc, pour revenir vite là-dessus, c'est je pense que c'est la suite. Là. Il y en a un autre aussi. Il y en a un autre. Moi, j'ai fait les critiques de ceux-là sur DS. Ouais. J'avais fait une critique aussi au Game Boy Advance, ça fait vraiment longtemps. C'est le là. Premier, Mario vs. Donkey Kong. C'est ça, puis sur DS, il y en a eu deux. Il y en a eu deux, puis il y en a eu un en téléchargement avec la DSi, DSiWare. Puis moi, c'était Mini Land Mayhem, mon préféré. Mini Land Mayhem. En tout cas, le dernier... Faut que tu sauves Pauline. Ouais, chose c'est encore qui est Pauline, assez différente. Pauline est de retour là-dedans. C'est vraiment du Donkey Kong. Oui, c'est ça. Mario, il passe... Pour Mario versus Donkey Kong sur le Game Boy Advance, c'est du Donkey Kong. Mario, il fait des tableaux avec Donkey Kong, carrément. Puis pour l'autre, Minis March Again, il y a tout le temps des petits Mario jouets. C'est des petits Mario jouets qui sont sauvés d'une factory de Mario en jouet, puis il faut que tu les ramènes au bercail. C'est ça. Dans March Again, tu les prends, tu les envoies sur Donkey Kong. Là. Tu t'en sers comme Minions, dans le fond. Puis il faut que tu les fasses passer à travers tout un petit tableau. Là. Puis dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu as des petits cubes mauves que tu leur fais un chemin avec ça. Là, tu vois, ils suivent tout. Là. Tu ne peux pas les arrêter un coup qu'ils sont partis. Là. Mm-hmm. Puis là, c'est des robots. Ils avancent. Donc, tu vois qu'il faut que tu leur fasses un escalier pour les faire monter pour aller à une place. Oui. Après ça, ils foncent dans le mur, ils revirent de bord. Fait que, tu sais, comme tu les fais promener comme ça en plaçant des cubes à des endroits précis pour les faire monter ou descendre ou éviter des obstacles. Donc, c'est un puzzle. C'est un puzzle, mais c'est un puzzle. C'est plus complexe quand même là, que certains puzzles. Oui, oui. Ouais. À la fin, là, moi, ça devient compliqué à la fin. Puis, oh boy, c'est gigantesque. Oui. C'est très compliqué. Mais c'est super cute. Mm. C'est très addictif. Un coup que tu le passes une fois, tu as comme un mode plus où est-ce que c'est plus dur. Ouais. Donc, il t'en donne quand même pas mal. J'adore jouer à ça. Même mon fils a joué à ça tantôt. Mon fils adore ça aussi. C'est bien cute. C'est une il va regarder ça. Donc, moi, j'ai acheté ça avec mes coins sur le Nintendo. Oui, c'est vrai. Des coins qui ne me servent jamais à rien. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui sont des ambassadeurs, tu as des coins pour tous tes jeux de NES, tous tes jeux de Game Boy Advance. Ils t'en donnent. Ben voyons donc. Oui, j'avais tous des coins à ramasser. OK. Avec ça. C'est vraiment ça. Alors, je me suis acheté ça. Ça valait vraiment la peine. C'est un bon petit jeu, là. Je vous le conseille fortement. Ben oui. Puis, quand tu fermes, je l'ai mis sur le blog aussi. Quand tu fermes ta console, tu sais, en plein jeu, Mario, il dit « Hey, come back, here you! » Puis, ben, il y a d'autres phrases aussi. Là. Et c'est ça qui est drôle, ça. Je l'avais fait pendant ma critique de Monsieur Ness. Je l'avais mis sur le bord de mon micro, puis je l'avais pas dit au réalisateur, puis il était... Donc, c'est vraiment bon. Vous voyez qu'on on a joué beaucoup à 3DS. On a joué vraiment pas mal à 3DS. Puis moi, c'est ça. Tu sais, j'en parle des fois sur Facebook. Ah, la 3DS, ça me déçoit. T'sais. J'ai passé quand même pas mal de temps dessus. C'est juste que là, je suis en manque de jeux. Je l'aime, la console, puis j'aimerais ça qu'il y ait plus de stock. Fait que tout ça pour continuer là-dessus, parce que j'ai joué encore à la 3DS. Puis je vais accélérer le rythme vu qu'on a quand même pas mal de jeux. Là. C'est ça. Je vais vous parler très rapidement de tous les autres jeux auxquels j'ai joué. J'ai 4 autres titres à nommer. Zen Pinball, excellent jeu de pinball qui se retrouvait sur le PlayStation Network et qui se retrouve aussi sur XBLA. C'est pas Zen de Intergalactic Ninja. Là. Non, c'est pas Intergalactic Ninja. C'est ça, Zen Pinball, 4 planches de pinball, 4 tableaux qui sont très cool. C'est le Zen Pinball classique qui est sorti au départ avec Eldorado, Shaman. Je me souviens plus des deux autres, mais bref, il y en a un à propos des robots, puis il y en a un autre que je me souviens, Excalibur. Puis c'est ça, c'est super le fun, très très bonne utilisation de la 3D, très bonne physique. La seule affaire qui est peut-être un petit peu plate, c'est que on aimerait ça jouer à des machines à boules sur la verticale. Là, évidemment, c'est à l'horizontale, fait que il te manque un petit peu de plage, je trouve. Fais-toi une plus grosse TV. Ouais, grosse. Ouais, mais là, minute, là. Sur ma TV, j'ai pas de problème. Là, ça, c'est sur la 3DS. Ah, la 3DS. Oui, okay, c'est sur la 3DS. Ouais, non. Fait que, tu sais, c'est un petit peu rough sur la 3DS, mais il est super le fun, coûte pas cher. Si vous tripez sur pinball, vous allez triper. Deux classiques auxquels j'ai joué sur la 3DS pendant mes vacances. J'ai joué à Mega Man Dr. Willy's Revenge parce que je tripe sur Mega Man solide. Fait que je suis allé chercher ça, puis vraiment, je trippe. Je me rappelle le bon vieux temps où je jouais là-dessus. Ouais, je possédais ça dans mon temps. D'ailleurs, quand j'ai vendu mon Game Boy, j'ai vendu ça avec le reste. Ouais. Puis c'est un mélange de... En fait, t'as les personnages de Mega Man 1 là-dedans. Ouais. Cutman, Fireman. Ouais, tu commences avec 4, puis après ça, t'es directement dans le château de Dr. Directement dans le château, puis après ça, les bonhommes, les boss de Mega Man 2. C'est ça, ils apparaissent un après l'autre. Il y en a un, t'es-tu rendu après? Il y en a un avec une épée, là. Oui. Oui, c'est ça. C'est qu'à un certain point, tu arrives dans une pièce, puis il y a 5 espèces de petits téléporteurs. Ouais, tu les retues toutes. Là, fait que là, tu les retues toutes, puis là, après ça, tu arrives au dernier qui est l'ultime avec l'épée, puis après ça, tu t'en vas dans un autre tableau de Dr. Willy. Bref, très bon jeu, tu sais, quand même. C'est 3$, puis c'est Mega Man. Ah, ouais. C'est un des meilleurs Mega Man, je trouve. Il est très bon. C'est un classique, là, puis ça te fait revivre des bons. Tellement, moments, là. Super bon. Puis Bionic Commando, Colin, un de mes jeux de l'année. Ben oui, un de tes jeux de l'année. Fait que moi, dès que t'as dit ça, je suis allé télécharger ça. Puis j'ai trippé, vraiment. J'ai eu des problèmes avec les contrôles au départ. Mais c'est parce que. Tu disais ça, t'aimais pas les contrôles. Ouais, mais c'est parce que. Moi, je les trouvais hyper fluides. C'est parce que je faisais pas ça comme du monde. OK. C'est parce que moi, je me suis habitué avec Rearmed. Ben moi, j'ai de la misère avec Rearmed. Justement, moi, c'est ça, c'est que Rearmed, moi, Rearmed, là. Je suis un joueur de feu là, à Rearm. Je suis super, super à l'aise. Je trouve que ça va vraiment bien. Puis à celui-là, le grappin, si tu veux l'envoyer à la diagonale, il faut que tu lâches ton D-pad. Absolument. Là, c'est le contraire. Dans Rearm, là, c'est tu l'envoies dans la direction que tu veux, puis tu l'envoies là, ton grappin. Dans Rearm, il y a quand même une animation un peu quand il lance le grappin. Là, exact. Ça part tout de suite. Ah non, là, c'est raide. C'est déjà accroché. Là, c'est raide. Donc, c'est comme plus rapide au niveau de l'exécution. Oui, vraiment. Mais super le fun, j'ai vraiment adoré. Puis, dernier jeu duquel que je veux parler, un jeu next-gen. J'ai pas joué à 3DS, tabarnouche. J'ai joué à Call of Duty, que j'aime beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup de fait, donc j'en parlerai pas tant que ça. Puis j'ai joué aussi à Saints Row The Third, qui était le jeu de l'année de Joël, notre confrère de Fun Jouer Jeu. Puis écoute, il a raison de dire que c'est le jeu de l'année. Yeah. C'est vraiment le fun. Hein. Puis c'est complètement tordu. J'adore les dialogues. Puis tout ce qu'ils ont mis dans ce jeu-là, c'est vraiment le fun. Puis ça détrône vraiment Grand Theft Auto. Ah, là, ouais, parce que ça prend tout ce que Grand Theft Auto fait de mieux. Puis ça le déconstruit. Je veux dire, les personnages sont tellement ridicules. Les armes sont tellement ridicules. Le but, c'est vraiment juste de triper, tu sais. Il y a vraiment des missions avec des tanks où le but, c'est juste de tout détruire. Il ne manque jamais de munitions. C'est juste de détruire. Tu as du fun au bout, tu sais. C'est vraiment écœurant. Puis, tu sais, l'humour est omniprésent dans le jeu. C'est vraiment le fun. C'est quand même pas un jeu qui a un dildo bat. Ah, le dildo bat, ça va être un classique, ça, de l'année passée. C'est fort, là. Puis, il grouille partout. Il est écœurant. Mais bref, Saints Row The Third, j'ai l'impression que n'importe qui devrait jouer à ça. C'est écœurant. Si j'avais joué auparavant... Tout le monde. Non, mais vraiment, moi, si j'avais joué avant, il aurait été vraiment dans la rétrospective de Rétro Nouveau. Là, c'est un méchant bon jeu. Ah, c'est cool. Yes. Ben, moi aussi, je vais finir en vitesse avec mes quatre derniers jeux qui ne sont pas des jeux de 3DS non plus. J'ai eu à Noël, vous avez peut-être vu mon vidéo, Metroid Other M. Oui. Toi et Joël m'aviez donné vraiment le goût de l'essayer à notre épisode spécial. Puis oui. J'aime bien ça. C'est le fun, hein? Écoute, c'est un third person, comme tu vois de côté, de derrière, un peu partout. C'est vraiment là, plus action. C'est orienté plus action que Prime. Ben moi, c'est ce que j'avais dit à ma critique, c'est que c'est Super Metroid mélangé avec Metroid Prime. Absolument. Tu sais, c'est le meilleur des deux. Puis c'est Team Retro qui ont fait ça. Là. Team Ninja. C'est Team Ninja qui ont fait ça. Tu sais, c'est pas des deux de pique. C'est de la qualité, là, puis c'est de l'action. C'est vraiment puis, bon. La blast, là, tu sais. Moi, j'ai trouvé, c'était très simple, en fait. Mm. Les contrôles et tout ça. Ça va toujours me plaire. Le graphisme est superbe, là. Ouais. Puis, l'histoire a l'air vraiment intéressante. Je suis pas rendu super loin, mais c'est comme l'histoire de Samus, là. Puis il y a un bébé là-dedans aussi, en quelque part. J'ai pas compris toute la gamique encore. Mais. Oui, c'est un film, tu sais. Ça te rapproche de Samus Aran, Nintendo a besoin de le faire. S'ils ont une licence qui est mature, c'est bien Metroid, là. Ouais. Ils peuvent amener ça vraiment pour les adultes, là, faire de quoi de hardcore, là. Absolument. Tu sais, pas Clara Croft, tu peux prendre Samus Aran puis la massacrer, méchant bon jeu. Là. Absolument. Non, j'adorais ça, puis écoute, 20$, là, usagé, là... Mm. Tu sais pas quoi faire avec ton 20$. Va te chercher ça, puis aide du plaisir avec ta Wii. Ben, raide. Puis j'ai un autre jeu de Xbox. Yeah! J'en passe. Hey, tabarnouche, hein? T'es à veille de l'acheter. Je t'avais. Geometry Wars. Oui, ben oui. Le deuxième, là. Tellement ben, bon. Le dernier, là, finalement. Ben, il est pas mal pareil que le premier. Ouais, je pense. Mais ils ont rajouté des trucs. Même principe. Tout ça, puis écoute, c'est un twin stick shooter, là. Oui. T'es pris un peu dans un univers. Ben, vous savez tout ce que c'est, là, sûrement. C'est juste moi le retard. Tout le monde a joué à Geometry Wars. Je veux juste dire que j'ai joué. Dans mon temps! J'ai eu du fun en salle avec ça, puis je suis bien triste qu'il l'ait sur la Xbox, là. Mais c'est vraiment. Ouais, mais attends, là, Geometry Wars, là. Là, c'est plate parce que j'ai pas le titre en tête, mais il y a de quoi qui ressemble à ça sur la DS. Ben, c'est ce que j'ai lu aussi dans la Bible. Puis, mais c'est pas le. D'après eux, c'est pas le même. C'est pas Geometry Wars, mais c'est quand même assez proche pour. Mais, tu sais, Geometry, c'est un Twin Stick Shooter. Mm-hmm. Sur la 3DS ou la DS, t'as pas. Non, mais moi, je te parle de PlayStation. Ok. J'aimerais qu'il l'aille sur la PlayStation 3. Mm. Ouais, mais sur le PlayStation 3, leur réponse à ça, c'est Super Stardust AG. OK. C'est vraiment ça la réponse. C'est le meilleur Twin Stick Shooter que sur PSN. En tout cas, ben, bravo. J'ai eu vraiment du plaisir. Castlevania Lords of Shadow, tu m'as vendu. Yes. J'ai du fun. Mais pas tant. Oui, j'ai du plaisir. Mais tu sais, c'est vraiment God of War, Prince of Persia mélangé ensemble. Moi, c'est ça que ça m'a fait. Là. Mm-hmm. Pareil. Gabriel Belmont, il est badass. Oui. Mais. Avec Captain Picard qui est à tes côtés. Qui ça? Mais c'est parce que c'est Stewart. Voyons, Colin, c'est quoi son nom? De la voix, là. De, de l'autre personnage. Là. Mais c'est Captain Picard de Star Trek qui fait la voix. Ah ouais, je suis pas un tracker. Je connais rien à Star Trek. Je suis vraiment pas un tracker. C'est le seul personnage que je connais. Mais c'est ça. J'ai été un petit peu déçu, je me suis pas senti Patrick Stewart, excusez-moi. Castlevania, pas vraiment, tu sais. c'est correct, je le fais, j'avance. Puis là, je regarde ça, je pensais que j'étais rendu loin. Hey, je suis pas loin, pas en tout. Là. Puis là, ça m'a découragé. Mais écoute, c'est correct, là, mais j'ai vraiment pas trouvé que la série Castlevania a passé à un niveau supérieur avec ce jeu-là. Ouais. Vraiment, c'est juste un jeu correct. Après. Aïe, aïe. Ouais. Moi, je me souviens pas de ma note, mais je pense que j'ai donné un 8.5. Là. Ah ouais, t'avais aimé ça pas mal. Ah, je l'ai bu, ben, dis pas que ce jeu-là. Ah ouais, comme ça. Ben, moi, c'est ça, je le bois. C'est comme quand t'as 15 ans. Elle passe mal. Hein? Non, mais c'est ça, c'est comme quand t'as 15 ans. T'as raté encore. T'es dans tes premières brosses, là, puis il y a quelqu'un qui arrive avec de la maudite, là, t'es « OK, on saoule la gueule à soir, là, tu bois ça, t'es « Ah, t'sais. » OK. Pour tous, comme de la tornade, sous, finalement. Mais c'est rough un peu pour un gars de 15 ans, de la maudite à 9%. C'est ça un peu que ça me fait, tu sais. Ah, moi, tout. Puis il y a des détails, même comme la trame sonore. Ben, moi, je l'ai trouvé un peu absente, tu sais. C'est de la musique, mais c'est pas toujours là, tu sais. Non, c'est pas tout le temps là, mais quand c'est là, ce jeu-là, en fait, t'as des subtilités dedans qui rappellent. C'est super bien positionné. C'est un jeu qui est cinématique. Moi, ce que j'y reproche à ce jeu-là, c'est les foutues corniches. Les foutues places où tu sais pas où est-ce que tu peux t'agripper. Ouais, tu piches, puis là, tu tombes dans le vide. C'est vrai que je suis tombé dans le vide. C'est pas comme si c'était dur de niaiser. Ils te disent où aller. T'as pas de challenge. T'sais. Tu peux pas glisser vraiment puis tomber en bas. Tu tombes en bas parce que tu tires dans le trou parce que tu pensais qu'il fallait que tu ailles là. Exact. Mais sinon, c'est automatique. Il n'y a pas de challenge. Non, c'est ça. Tu appuies sur le bouton, il accroche tout seul. That's it. Non, c'est ça. Mais t'as pas de challenge là-dedans comme dans Prince of Persia. Non. C'est le même principe. Le challenge dans ce jeu-là, c'est les combats. Puis moi, c'est pour ça que je l'ai apprécié, parce que tu as vraiment besoin d'être tactique dans ton combat. Si tu y vas et tu veux juste fouetter, Chris, ça marche pas. Ben, ça marche pendant un temps, mais là, ça marche pendant un bout, mais. Là, où est-ce que je suis? Là, ouais, c'est ça. Je n'ai pas exploré tous mes combos encore. Il faut que tu apprennes justement à pouvoir utiliser tes pouvoirs, justement, ta magie rouge, ta magie bleue. Faut que tu fasses ça adéquatement si tu veux te rendre à la fin du jeu. Là, mais écoute, moi j'ai trippé. C'est dommage, je t'avais pas trippé autant. Mais au moins, tu l'as pas payé cher. Je l'ai payé 70$. Il va y revenir, c'est sûr. Là, puis je vais sûrement l'apprécier plus avec toi. Ah oui. Pas mal sûr. Dernier, très vite, j'ai terminé Limbo un peu avant Noël. Il m'en restait vraiment pas long. Puis il m'en restait vraiment pas long, là, genre 10 minutes. Ouais, c'est ça. le temps de trouver le dernier puzzle, là, finalement. La fin, j'ai trouvé ça très joli, ce que ça fait, l'animation et tout. Puis c'est correct, la fin. Là, ouais. C'est pas comme OK. Non, c'est pas en tout cas. C'est... Mais c'est joli. Comme disait Joël, encore une fois, mon vieux Joël, y a-tu quoi qui dit pas c'est toi. C'est un poème, ce jeu-là. Ouais. De jouer à ça, c'est vraiment. J'ai vraiment apprécié. Puis j'ai eu du plaisir. Mais, moi, ma façon de le décrire, Limbo, c'est un long fleuve tranquille. Ah, ouais. C'est vraiment, c'est sur la même ligne tout le long. T'as pas vraiment de haut, t'as pas vraiment de bas. Non. T'es tout le temps charmé par le style, mais c'est pas, ils ont pas réinventé la roue, là. Non, non, non. Quand mais même pas. Je rejouerai pas à ça. Là. Non. C'est fait, là, puis je pense pas y revenir. Là. Non, c'est ça. À part pour moi. Pour attendre le deuxième. Puis peut-être essayer de pogner des trophées, tu sais, mais j'ai comme pas de temps à perdre avec ça non plus. Donc, ouais, ben trop de jeux. C'était bien swell. Je l'ai fini. Ouais. Heureux. J'ai eu du plaisir. Alors, deuxième segment, rétronouveau.ca. Yes. On va repasser des nouvelles importantes, qu'on trouve importantes, qu'on a postées cette semaine. D'ailleurs, excusez-moi, là, on vient juste de réécouter ce que ça donnait le premier segment. Je me suis rendu compte qu'on dirait que je me suis éloigné du micro vers la fin. Alors, désolé. D'après moi, c'est ton litre de bière. J'ai une King Can présentement de la Bat 50. C'est ça, je m'éloignais, j'allais vers elle. Alors, je vais me coller le micro d'en face, puis ça va mieux sonner. Oui. Donc, moi, la nouvelle de notre blog que je voulais ramener, c'est j'ai posté une photo de ma manette de Saturne, mon jeu de Saturne et mon câble S-Vidéo de Saturne. C'est merveilleux. Je branche tout, je suis prêt. D'ailleurs, un S-Vidéo, ça fait vraiment la job. Là. C'est ça que ça te prend pour le Saturne. Cool, ça. C'est, l'image est parfaite. Mais ma lentille, mon lecteur CD ne fonctionne pas. OK. J'suis tellement déçu. En plus, ma blonde qui me l'a acheté, tu sais, pour ma fête, elle ne retrouve pas le reçu. Poche. Ça fait que là, en fin de semaine, ben là, vous écoutez ça, vous êtes la semaine prochaine, en fait, mais hier ou avant hier, samedi dimanche. On sait le 23. Je vais retourner au pawn shop et je vais aller voir le dos. Je vais lui dire, check buddy, il n'y en a pas 10 des gars qui achètent les Saturn ici. Là, j'ai pas le reçu, j'ai pas la facture, mais il marche pas. Fait, je vais m'obstiner là, s'il faut, mais il marche pas, malheureusement. Donc, je pourrais pas en parler tout de suite. Je suis vraiment triste. En tout cas, je vous ferai un suivi là-dessus. Là. Ben oui, certain. Mm. Moi, la nouvelle que je voulais mentionner, c'est on a mis une vidéo de Bit Brigade, oui. Qui est un band qui joue, qui font les tunes de Megaman live. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils font les tunes de Megaman live en même temps qu'un gars joue et finit le jeu. Fait qu'il s'adapte. Dans le fond, si le gars il est en train de battre le boss... Là, ça commence justement avec la petite toune de boss. Ça va couper bien raide. Quand le gars va finir, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils enlèvent la musique du jeu, puis ils font un band là, à la place. Là. Ah, c'est incroyable. C'est tellement badass. Là. Moi, avant, mon band préféré de jeux vidéo, qui font des tounes de jeux vidéo rock ou metal, c'était Mini Boss. Ouais. Mais là, vraiment, Bit Brigade. Oh, solide, là. Ben, puis ils font la même affaire pour Ninja Gaiden. Ah ouais, ils doivent faire plusieurs jeux. Ils l'ont fait pour Contra aussi, tu sais. Ouais, ouais. Ben, parce qu'ils ont un pro gamer avec, tu sais. Puis ça fait tout un party aussi, là, dans le bar. Là. Ils sont comme dans un bar, là, tu sais. Écoute, moi, je triperais bien raide d'être là. Alors, moi, je veux voir ça, là, parce que je les ai vus aussi faire Ninja Gaiden, puis. Tu sais, il faisait juste les cutscenes, genre. Oui. Le monde en ça. Ouais, le monde trip, tu sais, t'es comme t'as un nerdgasm, là, c'est malade. T'as un gars en avant, puis quand il tue Willy, ben, pour revenir à Megaman, tu sais, quand il tue Willy, à la fin, là, il se lève dans les airs. Yeah! Ah ouais, tout le monde gueule, mon gars, la guitare dans le tapis, la bière qui revole, c'est parce super. Qu'en plus, c'est que le gamer qui est avec eux autres, j'ai pas son nom devant les yeux, mais il est vraiment doué, tu sais. Ouais. Là, il est super bon. Je sais que Megaman 2, c'est pas le plus tough, là, non, c'est même plus facile. Mais quand même, le gars, il est solide. Là. Il est tout le temps en train d'avancer puis il n'arrête jamais. Fait que chapeau, Bit Brigade. Vous irez voir ça sur notre blog. Ah, mais hein. La discussion. Donc, la discussion, Bruno, de cette semaine, un sujet un peu classique. Là, Show classique. C'est un show classique. Les contrôles classiques, justement, classique. Versus les contrôles en mouvement. Oui. Parce que, dans le fond... Puis même les contrôles en mouvement, moi, j'inclus là-dedans les contrôles tactiles, tu sais, parce que les contrôles tactiles... Ah, ben là, si tu inclus c'est ça... C'est un mouvement aussi. Oh. Non, mais c'est un mouvement aussi. C'est pas du contrôle classique, tu sais. Mm-hmm. Parce que, je veux dire, quand on était jeune, là... On ne jouait pas avec des iPhones, des 3DS, on ne jouait pas avec ce qui va arriver avec la PS Vita. Ben, on peut peut-être dire les contrôles en mouvement qu'on n'aime pas. Moi personnellement, là, la Kinect, je sais, je n'ai jamais essayé, là, mais ça m'intéresse zéro. T'sais. Je fais partie de la gang de monde qui aime mieux avoir une manette que de genre sauter dans les airs, là, on s'entend. Mais je suis capable d'aimer un petit peu, justement, mettons, quand je joue à Metroid Other M. Je joue classique, soudainement, il faut que tu retournes ta manette et que tu pointes l'écran pour checker un truc ou pour viser une affaire. Juste un petit peu de même, ça me plaît. Jouer avec un stylet, j'adore ça. Jouer avec mes doigts, j'adore ça. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais comme grouiller dans l'air, là, dans l'espace, là, j'aime moins ça. Tu sais. Mais tu sais, moi, ça toute une soirée. Là. Moi, je m'assois avec une bière. Puis, tu sais, je joue, là. Tu sais, là, s'il faut, je me lève, puis là, je relaxe, là. Mais tu fais pas ça tout seul chez vous non plus, tu sais. Non, c'est un peu, moi, ce qui est drôle, c'est que la Kinect, là, je l'ai essayé pour la première fois en avant-première à Monsieur Net. Ouais. Il y avait des représentants de Microsoft qui étaient venus, puis on avait essayé ça, puis en tout cas, si vous avez la chance de voir ça sur le web, vous allez voir à quel point j'ai l'air épais. Mais c'est parce que moi, ils sont arrivés avec ça, là, puis je me disais, bah, ça va être vraiment pas. Je vois pas comment ça peut fonctionner, cette affaire-là. Tu sais, j'étais hyper sceptique. Puis j'ai joué, puis je t'avoue que, tu sais, la première vue, c'est vraiment excitant. Tu sais, parce que tu te rends compte que, bon, il y a un petit délai, c'est sûr. Okay. Sauf que il reconnaît tes mouvements. Tu sais, tu joues avec ton fucking corps. C'est vraiment, ça marche, là. Puis ça marche, tu sais. C'est juste que l'affaire, c'est plus ça avance, plus tu te rends compte que c'est un gros gadget, c'est une grosse bébelle, cette affaire-là. Oh, c'est une affaire pour faire triper ton monde dans un party. T'as pas mieux, tu sais. Je pense qu'une Kinect, là, à un party, t'as rien de mieux que ça. Parce que tu peux faire jouer n'importe qui à ça. Il n'y a même pas besoin d'utiliser une manette. Fait que c'est comme Regarde, le petit bonhomme, il te demande de lever tes bras. Fait que lève tes bras, grand-maman. Ouais. Elle va lever ses bras. Elle n'aura pas besoin de toucher une manette. Elle va trouver ça fantastique. Ouais, j'avoue. Ça, mais c'est juste pour ça. C'était tout ça chez vous, Kinect. Ouais, ben c'est ce que je me dis. Un peu loser, tu sais, mais... Ouais, oui. Côté loser. Mais parlons aussi du mouvement de jouage de musique. Ouais. Tu sais, moi, bien sûr, j'ai acheté Guitar Hero très tôt, là, tout de suite quand c'est sorti au PlayStation 2. J'ai trippé en malade, là. On a joué à ça pendant un an, tu sais, quelques, là. Puis après ça, j'ai décroché ben raide. Aussi parce que ça me demandait d'acheter pour des centaines de dollars d'instruments, tu sais, GarageBand, ouais, tout. Puis bon, pas de place chez nous pour tout ça, tu sais. Mais c'est le fun, mais on dirait qu'avec le temps, j'ai décroché de ces affaires-là. Il y a tout le monde qui joue encore à ça. Non, mais c'est parce qu'il y en a eu beaucoup. Ça a descendu, même moi, je t'avoue que... Joues-tu encore chez vous, là? Rock Band, ça fait... Rock Band, je te dirais que ça fait au moins là, depuis le début de l'été que j'ai pas joué à ça. Puis j'ai joué à cause qu'il y avait du monde qui était venu chez nous. Ouais. Puis c'est le genre d'affaire que pendant un bout, ça a été écœurant. Il y en a eu en masse, tout le monde tripait. Ah ouais, tout le monde jouait. Mais c'est ça, on a tellement joué pendant 2-3 ans que là, à un moment donné, ben, c'est sûr, on est passé à d'autres choses. Là, ce qui est intéressant, c'est que tous ces jeux-là, il y a un suivi qu'il y a eu dessus. Comme Rock Band, là, il commence à avoir pas mal de... J'ai eu un petit faible pour les tunes des années 80, l'avoue. Attends. Fait que là, ils viennent de recevoir un nouveau pack de Huey Lewis and the News, puis ils viennent de recevoir un nouveau pack de Hall & Oates. Fait que tu sais, moi là, j'aimerais ça faire You're Out of Touch. Invite-moi pas chez vous, j'irai pas. Mais non, mais je veux dire, c'est le fun parce qu'ils continuent à avoir quand même un suivi avec ce jeu-là. Fait que tu sais, c'est pas tout à fait mauvais, mais c'est sûr que ça intéresse plus tant de monde que ça. Ouais, tout le monde est passé à autre chose. Il y a d'autres bébelles qui sont intéressantes. Même que tu peux trouver des kits de jeux musicaux très facilement, là, pas cher. Là. Même DJ Hero, DJ Hero. DJ Hero, si tu as la chance de jouer à ça, je sais c'est malade. C'est vraiment là. Cool, mais c'est ça ne bien pas lever plus que 2 secondes, non. Cette histoire-là. Et pourtant, moi, ça a été le meilleur jeu de musique auquel j'ai joué seul puis auquel je voulais rester seul. Ouais. Tu veux pas jouer avec d'autres mondes à DJ Hero, ben franchement, là, c'est mieux quand tu es tout seul, mais tu tripes avec ton espèce de petit turntable, ça marche au bout, tu sais, c'est vraiment le fun. Okay. Mais moi, je voulais parler, entre autres, de la Move, parce que dans tout ce gros paysage de jeux de mouvement-là, il y a comme, tu sais, il y a la Wii, il y a la Move, puis il y a la Kinect. Ouais. La Kinect est quasiment mise de côté, dans un sens, dans sa propre catégorie. Parce qu'il n'y a pas de manette, puis la Move, puis la Wii, ça ressemble pas mal, tu sais. La Move, on s'entend-tu que c'est un sale rip-off de la Wii, tu sais? Ouais, ouais, on s'entend-tu que c'est Nintendo qui a vu clair là-dedans en premier, en voulant... Ben, moi, je trouve que Nintendo a voulu innover, puis ils ont pas fait une console classique, ils ont pas fait une GameCube 2, tu sais. Ils ont fait d'autres choses. Ouais, sauf que quand tu checkes les brevets... Tu t'aperçois que Sony l'avait fait, Microsoft avec le et Nintendo, en même temps, ils étaient tous à la même place. Nintendo, ils ont tout le temps c'est été Nintendo fort, qui a décidé d'y aller de l'avant. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, Nintendo, ils ont fait un Power Pad, ils ont fait un Power Glove. Ils ont fait totalement. Ils ont essayé plein d'affaires. Là. Nintendo, même ils sont pétés à gueule souvent aussi avec oui, ça. Totalement. Mais ils ont le mérite d'avoir essayé plein d'affaires en premier. C'est ça, t'sais. Ils ont essayé d'autres choses. Puis la Wii U, ça va être d'autres choses aussi. Mais en tout cas, pour revenir à ça... Là, mais la Move, moi, c'est ça. Moi, je l'ai. Ouais. Je l'ai, la Move. Puis à un moment donné, on avait fait un genre de débat à M. Net l'année passée quand il y avait des débats. Puis, tu sais, moi puis Tristan, on était comme... La Move a plus de potentiel que la Kinect. Tu sais, ça, on était sûr et certain. Puis c'est sûr qu'à long terme, quand tu regardes les jeux qui sont sortis sur la Kinect puis les jeux qui sont sortis sur la Move a plus de potentiel pour un hardcore gamer parce que... Okay. Tu peux jouer à des shooters avec la Move sans problème. Ouais, moi, ouais. J'ai joué à Killzone avec le gun de la Move, puis j'ai trippé. J'ai eu vraiment du fun. T'sais. J'ai eu du fun avec ça. J'ai eu du fun aux jeux qui ont été. qui a deux types de contrôle. Puis comme Nintendo fait souvent, j'aime qu'on donne. Je pense que je le répète tellement souvent, là, ça doit être fatigant à ce stade-ci, mais c'est vrai que j'aime. Je t'énerve avec ça. Mais j'aime ça qu'on donne l'option au monde. Ouais. Si tu veux jouer de même, c'est tant mieux. Mais garde, il y a ça aussi si ça t'intéresse. Fait qu'il offre tout le temps la possibilité de jouer avec la Move. Puis je trouve ça correct. C'est le fun. Sauf que avec le temps, j'ai fini par la laisser de côté. Ben oui. Parce que. Il n'y a pas de bon jeu là-dessus ou pas assez. Non, puis c'est pas rien que ça. C'est l'organisation, man. La move. Faut-tu mettre ta petite caméra. Là, après ça, il faut que tu calibres ta caméra. Là, faut que tu calibres ta manette. Fait que à chaque fois, ça reste pas calibré, non, c'est ça. C'est mets-la à côté de ton bras. Mets-la à côté de ton épaule. Mets-la au centre de ton corps, dans le fond, à ta taille. Fait que, tu sais, c'est fatigant d'avoir à faire ça toutes les fois. Ça a l'air de rien, mais juste ces quelques petites étapes-là, ça te tente plus. Non. Ça te tente juste plus. Tout à fait d'accord. Tu sais, quand tu es assis, tu te dis, bon, je vais jouer. Ouais. Là, je vais jouer à quoi? Là, moi, chez nous, c'est compliqué. Là, c'est un buffet à volonté. Ouais, j'en ai du stock, là, tu sais. Fait que, puis là, en plus, il fallait que je me dise, hey, je vais ressortir ma move. Ouais. Là, dans ta tête, ça part. Ah, ouais, là, voilà, je calibre. Là, tu te vois debout, en train de calibrer. Là, ça décourage, là. Ah, ouais, c'est ça. Là. Aujourd'hui, là, tout va vite, puis tout est plug and play, puis tout fonctionne maintenant. T'sais, s'il faut recalibrer une petite manette à chaque fois, là, on s'entend. Là. Non, c'est ça, c'est fatigant, là. Je pense qu'il y aurait eu même la move, autant la move que la Kinect, je pense qu'il y aurait eu moyen. Je sais pas pourquoi il y a personne qui fait ça, tu sais, dans les animations 3D, le monde qui font du CGI, des trucs de même, il y a des pins que tu mets sur ton corps, des petites boules que tu mets sur ton corps pour trouver où sont les mouvements. Oui, personne qui a sorti ça. Ben, un jour, là, il va y avoir un docteur qui va trouver comment te mettre ça dans le corps directement. Comme ça, tu vas tout le temps être plugué. Là, tu sais, ben, moi, je me dis, Krim, ça n'aurait pas été compliqué là, tu sais, de ben, mettre. C'est quand même compliqué de se mettre des pins un peu partout. Non, mais admettons, tu as juste besoin de te mettre deux bracelets là, pour que tu saches où sont tes mains. Où sont tes pieds. Tu mets juste ça. Tu as, admettons, comme quatre bracelets, tu t'en mets deux poignets, deux aux pieds. Puis là, c'est ça, tes contrôles de mouvement. Fait que si tu joues à un jeu de karaté, il est capable de savoir exactement dans l'environnement où sont tes bras, où sont tes pieds, tu sais. Mais là, imagine, juste ça, je ferais ça correct, mais en même temps, bracelets, t'sais, aux chevilles et aux poignets. T'es en chest, tu manges popcorn tout seul, tu sais, t'es comme perc. Ouais, c'est ça, t'as des chums qui arrivent. Ah, salut, man, et ton casque de bain avec une pine dans le front. Loser, non, j'avoue, c'est un peu poche, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, que ça marcherait mieux. Mais c'est ça, ça marcherait mieux, mais en même temps, c'est ça, il y a toujours encore le fait que... que toi puis moi, on est nés avec une manette qui est pluggée dans une console, puis que dès qu'on pèse sur Power, on peut commencer à game. Tu sais, moi, que la manette soit même plus pluggée dans la console, c'est un achievement. Ah là, c'est tout, c'est tout. Juste ça, ça fait mon bonheur pour ma vie, là. C'est merveilleux, là. Ouais. J'avoue. Déjà que justement, je me suis dit, c'est à la PS2, on s'achetait des extensions de fil puis tout. Ah, là, c'était Moi, je joue à la télévision au Coleco avec un fil d'un pied, mon gars, un téléphone. Là, je te moi te dire que c'est pas agréable. Mais en tout cas. Mais tu sais, regarde, mouvement contre classique, là, moi, je suis classique all the way. All the way. Même tu sais, je sais que toi, tu tripes à jouer avec un stylet. Oui, beaucoup. Moi, si tu me donnes le choix, man, pas de stylet. Je vais beaucoup plus préférer des jeux où j'ai pas besoin de me servir de l'écran tactile, même si c'est bien un écran tactile, mais moi j'aime ça. J'ai un bon joystick, des bons boutons. Je trouve qu'il n'y a rien qui peut remplacer ça. Fait que si j'ai le choix, oui. Si j'ai pas le choix, tu sais, comme Kirby Mass Attack, j'ai trippé, mais à un certain point, je t'avoue que ça m'a fait décrocher. Okay. J'avais le goût de revenir à un jeu où j'allais me servir de mon D-pad ou de mon joystick. Ok. Ah, moi, le stylet, j'aime bien ça. Ninja Gaiden, Dragon Sword, Zelda Phantom Hourglass. C'est des jeux complètement en stylet. Tu sais, Plants vs. Zombies. Oui. Zombies. J'aime beaucoup ça, mais pas toujours. Mais quand c'est bien fait, c'est sûr. C'est vraiment bien. Là. C'est sûr, mais si admettons, là, je te dis là, la question ultime, le choix. Ben, il y en a moins en stylet. Tu mettons, tu me dis, tu vas jouer avec un stylet pour le restant de tes jours. Non. C'est le contrôle classique offre toutes les possibilités. Ouais. Puis ce que le stylet donne pas, ce qu'un iPhone donne pas, puis ce qu'une Move donne pas, là, dans le fond. Oui. Même là, justement, ça, c'est très d'actualité, là, le stand à la 3DS. Tu sais, c'est ça aussi. Je trouve ça poche parce que dans le fond, ça prouve que. De jouer avec le stylet, c'était peut-être pas la meilleure option pour Kid Icarus. Il aurait peut-être eu besoin de, ouais, de faire quelque chose avec les boutons, de donner un autre... Ouais, moi, les jeux strictement de stylet, tu sais, ben là, tu vois, Ninja Gaiden, ça se tenait bien verticalement, mais ça mettons Zelda, tu sais, moi, je tiens ça déjà à côté sur mon oreiller, là, ouais, tu sais, ou à côté sur moi, là, sur ma cuisse, whatever, fait que là, Kid Icarus, ça va être à côté aussi, mais... C'est des fois, ben même Kid Icarus, il faut que tu le tiennes. Moi, je suis couché dans mon lit puis je le tiens dans les airs. Ah, c'est ça. C'est tout le temps ça, ma position faisait rire. C'est un peu trop lourd, à mon avis, de toute façon. Oui. S'il était moins lourd, ça aiderait beaucoup sa cause. Ah, c'est sûr. Mais c'est ça, moi, mouvement contre classique. Pour des vieux bats comme nous autres. On est des vieux bats. Le classique gagne. Donc, nouvelle chronique. Nouvelle chronique, Bruno. Yes. C'est une chronique, ça, qui va changer à chaque semaine. Oui. On a quatre topics. On ne vous les dira pas tout de suite, mais non. Celui de cette semaine, c'est créateur. Oui. On va parler d'un créateur de jeu. Oui. Bruno, c'est Bruno qui va ouvrir ça. Il y en a un quand même pas mal big. Donc, oui. Vas-y, mon boy. Yes. Bien, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Suda51. Suda51... Vous le reconnaissez sûrement, il est reconnu surtout pour Killer7, No More Heroes et récemment Shadows of the Damned. Ouais. Aussi, bon, évidemment, en 2012, il y a le titre le plus attendu de Grasshopper en association avec Kadokawa Game, c'est Lollipop Chainsaw. Ouais, un jeu oui, que j'ai ça, hâte ça de voir. T'as hâte à ça, toi. Ah, j'ai hâte, tabarnouche. C'est moi, une fille avec des lulus en jupe avec une chainsaw qui tue des zombies. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, en style Grindhouse en plus, ça va être malade. Ah ouais, ouais, c'est clair. Fait que non, c'est ça. Suda51, un fait amusant, c'est de son vrai nom, c'est Goichi Suda. OK. Et il est né en 1968, ce qui fait que 44 ans. Moi, je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ça, mais franchement. Ah, moi, je l'aurais pensé plus vieux, vois-tu. Colin, les Japonais, man, ils vieillissent pas. Non, ils vieillissent pas. Ils sont full oméga 3 dans le jeu. Ils sont full oméga 3. Tu meurs pas quand tu manges l'oméga 3, tu sais, ça le dit. Oméga 3, the way to go. C'est ça, le surnom 51, ça vient d'une blague, à vrai dire, à propos de son vrai nom. Parce qu'en japonais, parce que lui, son nom, c'est Goichi. OK. En japonais, go veut dire 5. OK. Et ichi veut dire 1. OK. Donc, Goichi, 51. Voilà. Et voilà. Mais puis, moi, je trouve que ça sonne bien, Suda 51. C'est, ça sonne pourquoi, tellement bien. Mais de rajouter un chiffre, là, ça le fait, mais d'aplomb. Là. Ah, il est malade. Là. C'est pas c'est... comme juste Bling 182. Ça, ouais. C'est comme rajouter un chiffre pour mettre un chiffre. Mais Suda 51, créateur de jeux vidéo, ah, tu sais, il y a de ouais. quoi là-dedans. Là. Ah, il y a de quoi de puissant là-dedans. Ah, ouais, là. Ah, ouais. Tu vois que le gars, il connaît son stock. Bref, il est président de son propre studio, c'est Grasshopper Manufacture. Ça a été fondé en 1998 à Suginami, au Japon. Okay. Ils ont débuté avec le jeu de Silver Case pour la Nintendo DS. Et puis maintenant, ils ont à leur actif 16 titres. Ils ont 16 titres? OK. Ouais. Puis, ça a-tu levé, ce premier titre-là? Oui, ça l'a levé. Il y a 6 autres jeux en plus en développement présentement. Puis Grasshopper, c'est une compagnie de 140 employés. OK. Puis là, je vais vous donner son historique. C'est quoi son histoire à Suda51? En passant aussi, un autre petit fait amusant, il a aidé à la création des séquences d'histoire de Fatal Frame 5 sur la Wii. Ouais. Puis il a aussi été impliqué dans le mode Subspace Emissary de Super Smash Bros. Brawl sur la Wii, qui était vraiment cool. Donc, il est vraiment plus orienté DS, Wii... Ben, il y en a beaucoup. Et ben quand même. Puis pourtant, ces jeux récents, c'est vraiment fait pour les consoles next-gen. Ouais. Pourtant, Killer7, c'est un jeu qui était sorti sur la GameCube. Oui, c'est vrai. Il est sorti sur PlayStation. Il faisait partie, j'en avais parlé dans ma critique de Beautiful Joe. Il faisait exactement. Partie du GameCube 4 là, ou quelque chose. Oh, oui. Quatre jeux. Là. C'est ça. Ben c'est ça pour ce qui est de son histoire. Écoute, Suda, c'était un directeur funéraire quand il a commencé. C'est malade, hein? C'est malade. Mais il n'aimait pas beaucoup sa job, puis il passait la plupart de son temps dans les arcades. Oui. Puis, à un moment donné, il a vu une offre d'emploi chez Human Entertainment. OK. C'est mieux connu pour Clock Tower et Fire Pro Wrestling. Ouais, des titres assez connus. Ben, c'est des séries assez connues. Puis il a commencé comme écrivain pour le scénario de Super Fire Pro Wrestling 3 Final Bout. Et ce jeu-là, ça, c'est son jeu, son jeu le plus populaire chez Human. Ça a été Super Fire Pro Wrestling Special à cause que la fin était choquante. Ouais. Parce que dans ce jeu-là, t'es un champion de wrestling. Ouais. Puis à la fin, au moment de devenir champion du monde, le héros déprime vu qu'il n'y a personne avec qui vivre et savourer sa victoire. Fait qu'il se suicide. C'est ça, il se suicide parce qu'il n'y a plus personne à battre parce que c'est lui le meilleur, dans le fond. C'est malade, là. Tu sais, fait que Suda 51 a commencé sa carrière comme ça. Ah, c'est ça fort, donne c'est une idée des choses à venir. On avait ça au NES, là. Hey boy. Mais ça a l'air d'être un bon petit jeu de lutte, ça. Oui, oui. Il y a un suivi culte. Moi, j'y ai jamais joué, bien honnêtement. Fait que, mais là, ça m'intéresse maintenant que je découvre que Suda a travaillé là-dessus puis surtout que c'est son premier jeu. Il a par la suite travaillé sur la série de jeux Syndrome. Mm-hmm. Puis il a quitté Human en 1998. Okay. Et la compagnie ferma ses portes peu de temps après. Ouais, c'est qui me l'aime? Ouais, c'est clair, là. C'est de sa faute. Ouais, hey, t'imagines, tu sais, quand t'as un gars de même qui produit et qui est hot, là, il me semble que tu le payes, là, tu sais, quand t'es patron, là. Je sais pas. Mais il pouvait pas savoir dans ce temps-là. Tu sais, imagine, le gars, il était directeur funéraire, puis là, tout d'un coup, paf, le gars, il écrit des jeux, puis... Il finit son jeu en faisant mourir le personnage principal. Tu sais, dans ce temps-là, ça c'était peut-être comme... Ah. Ouais, mais si le studio a fermé à cause de son départ... Non, mais il n'a pas fermé à cause de son départ. Okay. Lui, il est parti. OK, c'est lui qui a vu que ça allait nulle part, ce studio-là. Oui, exact. Suda, il s'est dit, non, moi, ça ne marche pas. Ils n'ont pas les mêmes idées que moi. Il était parti. Puis tout de suite après, dès son départ, il a formé Grasshopper Manufacture. Fait que ça fait quand même longtemps. Ça fait depuis 1998, comme j'ai dit tantôt. Puis il a commencé à travailler sur The Silver Case. Et après ça, The Silver Case, je ne le connais pas beaucoup, mais en 2001, ça a été probablement un des jeux qui sont les plus remarquables de Grasshopper et de Suda 51. J'y ai joué moi-même. C'est Flowers, Sun and Rain. Ouais, il est sorti au départ pour la PS2. Ouais. Mais c'est sorti aussi sur la DS. Il y a une version améliorée qui est sortie pour la DS. Okay. C'est un jeu qui a une histoire totalement tordue. Ça ressemble à Groundhog Day parce que tu revis le même jour tout le temps. Ouais. T'es un peu psychopathe, là, tu sais. OK. Puis c'est ça, on sent vraiment dans ce jeu-là les racines de Killer 7. Fait que si vous aimez le style de Suda 51, je dirais que c'est le jeu peut-être à aller chercher avant tous les autres. Sais-tu s'il est disponible, ce jeu-là? Ah, ben, DS. Il est disponible sur la DS. Okay. Sur la PS2, il est très difficile à trouver. Ah ouais, c'est un défi que tu me lances là. Ouais, c'est un défi que je te lance là parce que j'ai checké en faisant la chronique, puis il est tough. Okay. Il n'est pas évident à trouver, puis je pense que je l'avais trouvé, puis il était quand même. OK. Fait que c'est ça. Puis d'ailleurs, Killer 7, c'est le premier jeu nord-américain de Suda. Oui. Avant ça, tous ces trucs étaient exclusifs au Japon, mais ça a changé avec le temps, évidemment. Il est sorti en 2005. Puis c'est un jeu qui a eu un succès partagé. Oui, ça a été mitigé. C'est pas tout le monde qui l'a aimé. Absolument. Le contrôle, en fait. Suda, c'est ça sa faiblesse à lui. Exact. Le contrôle. Très bon dans l'histoire, dans les affaires fucked up. Ouais. Mais le contrôle plus difficile. Ah, c'est... Puis je suis... 100% d'accord avec toi, qui fait que Suda, pour moi, a de la misère à recevoir une note parfaite parce que contrôle, c'est pas... Celui-là, ce qui était poche, c'est que le jeu... Moi, j'y ai rejoué à ce jeu-là. C'est un jeu qui a mal vieilli, à mon avis. Okay. Puis tout ce qui est de l'histoire, tout ce qui est de l'enrobage, merveilleux. Mais dès que tu tombes dans le gameplay, c'est poche. Okay. C'est vraiment poche, puis ça se joue mal. Donc, anyway, tout ça pour dire qu'après ça, en 2006, Grasshopper a collaboré avec Marvelous Interactive pour Contact. Ça, c'était un RPG sur la DS. Puis, chose intéressante, c'est que... La pochette est vraiment belle. Ouais, c'est super beau. Ah, ouais. Puis, tu sais, c'est un jeu pour la famille, tu sais. Suda 51 a fait un jeu familial. C'est drôle comment il passe de plein d'univers. Ouais, hein? C'est un peu bizarre, mais tu sais, en même temps... On oublie souvent que c'est Suda 51 qui tient Grasshopper Manufacture, mais comme j'ai dit tantôt, c'est une compagnie de 140 employés. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est sûr qu'ils ont été une grosse équipe. T'sais, ils ont fait d'autres choses, évidemment. Puis, à la grande surprise de Grasshopper, ça n'a pas été un succès. Le jeu a vraiment pas pogné. Pourtant, les critiques ont quand même bien reçu le jeu. Ils ont trouvé ça bon. Fait que, coudonc, Contact n'a pas fonctionné. En 2007, ça a fonctionné. Puis c'est vraiment le jeu qui m'a fait cliquer sur Suda 51. No More Heroes. Ouais. Enfin sur les tablettes. Quel jeu! Puis le jeu, c'est le jeu le plus original de Suda 51. Puis malgré les faibles ventes dues au public. Parce, ben, parce que c'était sa Wii, en fait. C'est là. Ça. C'était un public occasionnel qu'il y avait sur la Wii. Mm-hmm. T'sais, puis il n'était pas prêt à ça, à mon avis. Puis Suda a continué. Il a fait une suite en 2010. Suite, hein. Fait que, tu sais, c'est quand même j'aime fort. Ça, il a fait No More Heroes 2. Continue pareil. Fuck ouais. off. Fuck off. Mais, tu sais, le No More Heroes 1 a été super bien reçu par la critique. T'sais, les ventes ont été poches, mais la critique. Mm-hmm. Fait que, d'après moi, lui, il s'est fié à ça. Il s'est fait comme. Merde, ouais. J'ai de quoi, là. Ça marche, puis, tu sais, j'ai l'impression que le public nord-américain me comprend. Puis. Moi, j'avais trippé sur No More Heroes 1. Je trouvais que c'était vraiment écœurant. Puis sur la Wii, il n'y avait rien du genre. Ouais, c'est ça. Recharger ton épée en quasiment en masturbant. Ouais, c'est ça. Tu masturbes ta Wiimote. Là, ah, c'est ouais. quelque chose. T'sais. Ah, ça fait changement c'est de Wii Sports. Là. Ouais, c'est ça. T'sais. Puis t'écoutais tes appels avec ta Wiimote, ah, ton oreille. Cool, c'était cool. T'sais. Puis, bref, le deuxième est sorti en 2010. Puis c'était un succès commercial incroyable. Là, mm-hmm. Desperate Struggle. Puis le deuxième, moi, c'est à ce jour mon meilleur jeu de Suda. Ouais. Mais Suda en a sorti un autre, son jeu plus récent, que j'ai critiqué à Monsieur Net aussi. C'était Shadows of the Damned, ouais. Qui est totalement tordu. Là. Moi, j'ai adoré ça. C'est vraiment drôle. C'est comme une espèce de mix de Evil Dead puis de Resident Evil. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est vraiment c'est une belle découverte. Puis il a travaillé là-dessus avec Shinji Mikami. Qui est le créateur de Resident Evil. Ah oui, oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. C'est ça. Ce qui explique un peu aussi le gameplay, tu sais, avec les zombies et tout ça, la façon de tirer. Ouais. Excuse-moi, je te regarde, là, mais j'ai jamais joué à Shadow of the Damned. Ouais. Ça fait un mais continue. Mais non, mais Shadow of the Damned, c'était un jeu vraiment trippant à cause de tout l'univers. Puis, tu sais... Comme j'ai dit, il y a ton premier gros boss, c'est comme une espèce de gros colosse. OK. Il commence sur un cheval, puis il court, puis là tu le tires, puis tout ça. Après ça, il devient géant, puis il pisse dans une fontaine et la fontaine la pisse du bonhomme devient la pénombre. Entoure, fait que ça devient comme une espèce de gros bocal okay. de darkness. Ah, Seigneur. Dessus sans arrêt. Vraiment weird. Il y en a un autre, justement, il commence, il n'y a pas de peau. Il y a pas de peau sur lui, puis tu le tues, il devient un squelette, il vomit d'autres choses, ça devient une bébite. Tu sais, c'est tellement fucké c'est comme tordu, jeu, là. C'est cool, tellement tordu, mais c'est tellement cool. Ouais, tu sais, ouais. Ce gars-là a un cerveau, là, épouvantable. C'est tout croche dans sa tête, ouais. C'est trippant. Là. Puis tu le vois que le gars, il a un sens de l'humour vraiment énorme. Là, dans No More Heroes, tu sauvegardais en pissant. Dans le deuxième, tu t'assis littéralement sur la bas, je pense. T'es dans le premier, tu pissais. Dans le deuxième, tu chies. Ouais, c'est la suite logique. Fait, ouais, c'est la suite deux, logique. C'est pas le numéro 2, c'est le 2. Mais je trouve ça cool. C'est... Moi, c'est ça. Suda 51, pour moi, c'est une grande inspiration, même dans mon travail de tous les jours. Ouais. Essayer de se dépasser, d'être original. Oui. Mm. Il est hyper original. Puis, tu sais, côté design graphique, je trouve que c'en est un qui a amené le jeu vidéo ailleurs. Tu sais, qui a vraiment il a montré un style bien à lui, qui a commencé avec Killer 7. Même avant ça, avec Flower Sun. C'était quand même Flower, Sun and Rain, mm-hmm. qui ressemblait quand même aussi à Killer 7. Il y a tout le temps eu un style qui l'a suivi. Puis là, c'est dans les scripts, dans sa façon de raconter une histoire, dans sa façon de créer des dialogues. Ce gars-là est japonais, mais il a visiblement écouté beaucoup de films de Tarantino. Ouais, c'est ça. Moi, je tripe, j'adore Suda 51. Ah, il est génial. Je start à la suite. Héros et vilains. Chronique héros et vilains. Oui. Yes. À chaque semaine, on va parler soit d'un héros ou soit d'un vilain de jeu vidéo. Ouais. Puis cette semaine, on passe fort avec un grand héros connu Mais, de hein. tous. Et j'ai nommé Megaman. Oh, que oui, Megaman. À quel point j'adore Megaman. Comment tu dis? Tu savais à quel point j'adore mes gamins. Ah ouais, ouais, je l'adore moi avec. Là, c'est vraiment cool. Fait que c'est moi j'ai une semaine assez étrange là. Ouais. J'ai pas mal loadé. Fait que c'est Bruno qui a fait plus la recherche cette semaine. Ouais. La prochaine fois, ça va être un peu plus balancé. Mais vas-y, mon Bruno, bon. J'ai quand même des choses à dire sur Megaman. Là. Ben beaucoup, puis j'en ai appris vraiment en faisant ma recherche. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ça. Ouais. Moi, j'aime en apprendre plus. T'sais. Vous en apprenez. Hein? Hey, rétro nouveau. Bon toujours donné au suivant. Oui, c'est bon pour le Québec. Vraiment. C'est bon. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est bon pour le Québec. OK, fait que Megaman est connu sous le nom de Rockman, dit Rokuman au Japon. Ah ouais, on dit Rokuman. Rokuman. J'ai jamais aimé ça, moi, Rockman, par exemple. Non, moi non plus, puis je vais t'expliquer justement d'où ça vient. Ouais, c'est vrai, t'as lu mes affaires. J'ai lu tes affaires, j'ai lu d'autres affaires aussi. Hein. Bref, il y avait les noms Mighty Kid et Knuckle Kid qui ont été proposés, mais Capcom préférait Rockman. Mm-hmm. Ah ben. Et le nom Rainbow Man a été aussi proposé. Rainbow, à cause du changement de couleur. Oui, changement de couleur quand il change d'arme, dans le fond, avec Rainbow Man. Oh, ça aurait été terrible. Hey, c'est sûr que juste à cause de ça, ça aurait jamais marché. Là. Ça aurait pas fonctionné. Non, un nom, mon gars, deux mots, puis Megaman n'aurait jamais fonctionné. Mm. C'est épouvantable. Bref, ça a été proposé. Puis, au départ, Rockman s'était basé sur Rock pour Rock'n'Roll. Puisque sa sœur robot s'appelait Roll. Ouais, elle s'appelle encore Roll. C'est ça, elle s'appelle encore Roll, c'est encore ça. Mais il voulait vraiment là, que ça soit Rock and Roll. C'était comme ça la ligne au départ Megaman. Mm. Ça allait être Rock and Roll, les deux, le frère et la sœur robot. Ouais. Mais c'était la base, il n'y avait rien. Ouais. Mais là, ça a développé, par exemple, il y a d'autres personnages aussi. Oui, monsieur. Puis, moi, juste pour en parler vite. Vous connaissez Proto-Man. Oui. En fait, Proto-Man, c'était le prototype de Megaman. Et puis, Dr. Light a fait Proto-Man avant de faire Megaman. Oui, monsieur. À la base, il s'appelait pas Proto-Man, il s'appelait Blues. Oui. Donc là, c'était encore dans la musique rock and roll, Blues. Et ça, c'est vraiment... Mais il y a même eu Jazz dans un des jeux, puis je n'arrive pas à trouver où. Mm-hmm. Mais il y a un personnage qui s'appelle Jazz. OK. Fait que, tu sais, c'est, je pense que c'est dans Mega Man X ou quelque chose du genre, mais il y a vraiment une fixation avec les styles de musique. Ben, puis il y a aussi bass. Ben, moi, j'ai toujours dit bass. Je sais pas c'est pourquoi. C'est bass, mais c'est sûr que c'est bass. Tu sais, c'est B-A-S-S. Bass, il était là. Puis le petit oiseau qui vient nous aider dans Mega Man 4, qui a été créé par le Dr. Kozak, il s'appelle Beat. Et là, t'as Rock'n'Roll, Blues, Bass, Beat. C'est comme juste la musique. C'est vraiment malade. C'est vraiment drôle, ça, pareil. Fait que le président des produits de Capcom, Joe Morrissey, a changé le nom de Rokuman à Megaman, puisque d'après lui, c'était un titre horrible. Ouais, pour ben, le il n'y a jeu. Pas 100% rien de moins, c'est ses mots, ça. Horrible, ouais. Il trouvait que c'était vraiment épouvantable, point de vue marketing, ça fonctionnait pas pantoute. Ben, d'accord, je trouve que ça me met sur une autre piste de ce que c'est vraiment. Megaman est vraiment mieux, là. Ah ouais, c'est sûr. Sauf que, tu sais, en même temps. Megaman, nous autres, on a toujours vécu avec le nom Megaman. Sais, fait que sais. Peut-être que si on nous avait proposé ça dans un meeting, on aurait dit Megaman, voyons donc. Si ça avait un été homme Rockman méga. Depuis toujours, puis là, soudainement, il changeait pour Megaman. Je dis, voyons, Megaman. Ouais, c'est ça. C'est Rockman. Rock'n'roll. Fait que c'est ça. Fait que Megaman, c'est un petit robot à l'uniforme bleu, comme tout le monde connaît. Ouais. Puis il a été créé par Akira Kitamura. C'est le créateur du premier jeu. Ouais. Mais Kitamura n'a créé que le personnage en pixels. La version définitive a été illustrée par Keiji Inafune. Ouais. Et Keiji Inafune, ça vous dit probablement quelque chose, c'est parce que c'est devenu un des plus grands producteurs de jeux. Pour Capcom, c'est lui qui est responsable pour Onimusha et Dead Rising. Ouais. Fait que c'est quand même un point de pic, là, ça fait longtemps. Capcom, il n'y a pas si longtemps. Oui, ça, c'est vrai. Puis le monde, ils ont comme fait, oh shit, là, il s'en va. On a perdu Inafune. C'est quand même un gros morceau, là, vraiment. Ouais. D'ailleurs, on fera une chronique créateur dessus un moment. Ben oui, il faudrait savoir c'est quoi son background. Puis dans la version anglaise, Doug Parker, qui est E-Man, a prêté sa voix à Megaman. C'est lui qui fait la voix de Megaman en anglais. Dans quel jeu qu'il parle? Il a parlé dans Megaman Legends, il a parlé dans Megaman X, dans tous les nouveaux Megaman. Ouais, peut-être Megaman plus récent que X, parce que je me souviens. Il a parlé aussi dans la série Captain N. Ouais. La fameuse série de Nintendo. Ouais. Hey, d'ailleurs, Roll là-dedans, elle s'appelle Mega Girl. J'ai vu ça. Fait que Mega Man, Mega Girl dans Captain N. Colin! Fait que, en tout cas, la première apparition de Mega Man, c'est Mega Man, sorti en 1987 sur Nintendo par Capcom. C'est drôle, tu sais, qu'ils ont fait un jeu. Ils n'ont pas fait une icône, puis ils l'ont pas mis dans un jeu, tu sais. Ouais. Ils n'ont pas créé un personnage pour le mettre dans un jeu. Ils ont dit, on va faire un jeu. Ouais. Puis, ça va être lui, puis ça, c'est Rockman, là. Puis, tu sais, ils ont comme. C'est le jeu qui est arrivé en premier, pas ouais. L'icône. Moi, ça, non, non, vraiment ça, pas, là. Ça paraît parce qu'à quel point ils l'ont mal dessiné sur la pochette. La pochette c'est dégueulasse. Il y a personne qui se tient de même aussi. Là. Tu es comme. Tout placé, tu croches. Avec un saut de jaune-bleu, il me semble. Jaune-bleu, ouais, jaune pisse sale, le pisse d'itinérant, tu sais, dans la ruelle. Ah ouais, puis, c'est comme un dessin de Napoleon Dynamite. Là, ça marche pas pantoute. C'est pas si bon que ça, Mega Man 1 en plus. Moi, non, je l'aime pas, moi, Mega Man. Pas mal le moins bon, là. J'ai pas beaucoup joué au 5-6. On parle des NES, là. J'ai pas beaucoup joué au 5-6. Mais le premier, tu sais, ça. C'est correct. Ça marche pas pour moi. Puis, il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent, les gars, comment ça vous avez pas fait un spécial Mega Man? Ah. C'est parce que le spécial Mega Man est un peu décourageant pour vos deux comparses ici parce qu'il y a environ 130 jeux de Mega Man à ce jour. C'est pas rien. Non, il y a mais une série. Quand même, un moment donné, il va bien falloir essayer de se taper ça. Ouais, mais ça va peut-être être un marathon de rétro nouveau qui va durer 4 heures. Là. Mais Legends, Battle Network, tu sais. Ouais. Mais Legends, moi, j'avais tellement trippé, man. Ben, tout le monde attendait que ça revienne. Puis ils ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'elle n'allait pas en faire. C'est mort. Ouais. Et tout le monde était bien down de ça. Là. Mais hein, parce que ça s'en venait pour la 3DS. Un autre bon jeu pour la 3DS. Ah ouais. Fuck. Ah non, vraiment. Bref, son ennemi juré, c'est le docteur Willy. Oui. Et son armée de robots. Il y en a énormément. Fait qu'évidemment, je ne commencerai pas à tous les nommer. Ses amis, c'est le docteur Light, son chien Roche, sa sœur Roll, et Protoman, qui est comme un ami ennemi. Et je vais en parler un peu plus tantôt. Puis son arme de choix, ben c'est le plasma blaster, qui est devenu le Mega Buster avec le temps. Ouais. Mais au départ, ça s'appelle plasma buster. Puis Mega Man, évidemment, peut prendre aussi les armes de ses ennemis une fois qu'il les a vaincus. Puis pour vous donner l'histoire rapidement de Mega Man, qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait que Mega Man existe? C'est que, comme dans beaucoup de jeux, qui est un petit peu dur à dire, l'année en 2000XX, en 20XX, le Dr. Ladd voulait créer un robot hyper intelligent et son projet s'appelait RoboMaster car il pouvait superviser le travail des autres machines moins intelligentes. Puis son premier prototype, c'était évidemment Protoman. Son nom vient d'ailleurs du fait qu'il est un prototype. Au moment de faire des tests, Protoman, il a sacré son camp. Il s'est enfui. Et puis, à cause de la disparition de Protoman, le Dr. Light a décidé de créer Rock'n'Roll et Rock et Roll. Rock a été créé pour devenir l'assistant de Dr. Light et Roll pour faire le ménage. Ben oui. D'ailleurs, si vous jouez à Tatsunako versus, Capcom. Versus Capcom, elle est dedans. Il y a Asba avec une vadrouille là, puis une chaudière. Ah, man! Il y a des espèces de gros bonhommes méchants là-dedans. Je suis là, whoop, t'as l'autre qui arrive avec sa mop, tu sais, puis tu sais, mettons, tu gongs, c'est un peu ridicule. Mais elle est également présente dans Marvel versus Capcom aussi, à ce qui paraît, tu sais. Wow! Ça sera pas mon personnage numéro un. Là, peut-être pas, mais peut-être qu'elle est super bonne avec sa vadrouille. Peut-être, mais moi, ça m'intéresse pas en tout, ces petites affaires-là. Même à la limite, là, Beautiful Joe là-dedans. Là, Ou ben, il n'y a pas sa place. Okami, comment il s'appelle? Mitsu Itsuli. Ouais, c'est. Mon vrai nom, là. Ouais. En tout cas, le loup d'Okami est là-dedans. Tiramisu, quelque chose du tiramisu, genre. Tiramisu, là. Ouais, tiramisu. J'ai pas envie de prendre un loup, tu sais, quand je peux prendre Ken, tu sais, ou ben Trader. Amaterasu. Ouais, c'est ça. Ou quand je peux prendre Ken ou bien Strider et Ryu. Là, ouais. En tout cas, excusez. Ah non, c'est certain. Donc, la petite Roll, elle ne sert pas à grand-chose, à mon avis. Non, c'est sûr. Elle fait le ménage. Elle fait le ménage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a été créée pour ça, c'est quand même drôle. Mm. Puis après le succès des deux robots, ben Light a décidé de créer 6 autres robots. Et ces robots-là étaient Cutman, Gutman, Iceman, Bombman, Fireman et Electman. Mm. Le docteur Willy, qui était son collègue, est devenu jaloux à cause du succès de sa recherche. Puis il a rencontré Protoman, qui était défectueux, qui était donc mourant pour un robot. Il l'a boosté, je pense. Hein? Oui, il l'a réparé, puis Protoman a trouvé une façon de reprogrammer les robots de Dr. Light pour avoir sa revanche. Ouais. Et puis, arrivé au labo de Dr. Light, il a pris les 6 robots, il a laissé Rock'n'Roll parce qu'il ne voyait pas le potentiel en eux. Puis Rock s'est porté volontaire pour arrêter Dr. Willy. Donc Megaman s'est porté volontaire pour arrêter Dr. Willy. C'est là que ça commence. Littéralement, ouais. c'est là qu'on est rendu. Puis depuis le début des jeux de Megaman, c'est la même gimmick. C'est la même affaire jeux, tout le temps. Dr. Willy finit tout le temps par avoir une rechute puis décide d'aller écœurer le petit bonhomme bleu. Fait que c'est ça pour Megaman. Puis Megaman, c'est un personnage vraiment un personnage important. Que tout le monde aime, qui est très, très attachant, qui a un univers gigantesque. Ouais. Il y a la série Megaman X, Megaman Battle Network, Megaman Legion. Il y en a un autre aussi. Là, il y en a vraiment beaucoup. Où est-ce qu'il y a une autre face, là, en tout cas. Puis, ouais. Oui, c'est vrai. C'est des jeux de DS, ça. Là, oh, oui. En tout cas, c'est plus récent. Puis moi, j'ai aussi, chez nous, j'ai une très bonne... très bon Greatest Hits au PlayStation 2, c'est Megaman Collection. Oui, Megaman Collection, c'est une bonne collection, celui-là. Tu as toutes les premiers 7. Du... Oui. Puis le 7 est un jeu de Super Nintendo. Il n'y a pas de X dessus. Il n'y a pas de X, mais il y en a du Super Nintendo, il me semble. Oui, c'est ça. Puis dans le 7, puis peut-être le 8, je pense que le 9 était sur PlayStation. En tout cas, moi, j'ai arrêté au 7. Oui, parce que le 8, 9, 10 sont sortis sur PlayStation, XBLA, puis la Wii. Ah oui, excuse, le 9 et le 10, ça, c'est ça nouveaux comme les nouveaux jeux. Les nouveaux rétro, les rétro nouveaux. Donc, ça arrête au 8. 8 sur PlayStation, 7 sur le Super NES, toutes les autres sur le NES. Ouais. Puis X, tout sur le Super NES. Puis moi, je veux parler aussi de Power Battle, qui est présent sur la compilation PlayStation 2 Mega Man Anniversary que je vous parlais. C'est un jeu de bataille de Mega Man. C'est vraiment... C'est bizarre, c'est plate en maudit. Oui, c'est vraiment plate. J'ai pas compris. C'est comme dans le temps qu'il y avait un jeu de bataille des Ninja Turtles, il me semble. Ah, Tournament super Fighter. Plate, là. Si tu parles de Tournament Fighter, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Là. J'ai joué en masse. Mais moi, je te dirais que le jeu de bataille poche étrange, c'est celui de Double Dragon 5. Oui. Ça, c'était comme n'importe quoi, là. Mais sur Red Dead Turtles, il y avait une bonne twist. En tout cas, au Super NES, parce qu'il y a une version NES. Ça, j'ai Moi, j'ai joué à la version NES. Il y a une version Super NES. J'ai joué fighting au NES. Mais au Super NES, c'est bon. Mais en tout cas, Mega Man, ce jeu de battle-là, je pense qu'il s'est à l'arcade. Ils ont mis ça là-dessus, sur le Greatest Hits. Puis c'est vraiment pourri. Ils sont bas, c'est là, Protoman. Protoman est fort. Bass, il fait rien. Là. Il fait un genre de dive là, puis il tombe à terre. OK. En tout cas, c'est botché. En tout cas, c'est une parenthèse. Hein. Je vais juste me vanter que j'ai ça chez nous. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Maintenant, vous en connaissez plus sur Megaman. Oh yeah! Donc, bienvenue à la chronique Le Truc. Le Truc. Yes, et Le Truc, ça va être des trucs qu'on retrouve dans les jeux. Fait que il va y avoir tout le temps un truc pour un jeu nouveau, un truc pour un jeu rétro. Ouais. Je te laisse te charger des jeux nouveaux. Yes. Alors, moi, j'ai comme l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plein, mon gars. Ouais, c'est une mine d'or. Il y en a énormément. Bon, c'est parfait. Il y en a plein dans le rétro aussi. Donc, voilà, on va vous apprendre on va vous apprendre ça. On va vous apprendre à tricher. C'est ça. Et c'est le fun. Moi, je vais commencer avec... tu te rappelles notre premier épisode? Notre premier épisode, là, on a parlé de Russian Attack. Puis là, on l'a fini, on l'a enregistré, on l'a mis online, puis tout. Puis là, je t'ai envoyé par courriel. « Oh shit, Bruno, j'ai oublié de parler de quelque chose d'important. » On était si jeunes à l'époque. Et là, Bruno m'a dit, « Oh, c'est pas grave, ça arrive tout le temps qu'on oublie des affaires. » Là, « Ah, OK, Bruno a raison. » Mais quand même, ça me tracassait. Ça t'agaçait. C'était très important, puis c'était un truc important pour bien performer à Russian Attack au NES. Donc, et voici, plusieurs mois plus tard. Caline, tu as vu la raison de la chronique? Une chance qu'on a fait cette chronique-là. Ah oui. Donc, à Russian Attack, quand tu joues seul, puis quand tu meurs, ton bonhomme, il ne recommence pas tout de suite où est-ce que tu es mort. Est-ce que tu as mouru? Tu sais pas, ton bonhomme, il ne respawn pas au même endroit, puis il continue. tu recules un peu. Tu sais, il y a des segments dans le tableau. Oh, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mettons, le tableau dure une minute de marche. Ben, tu sais, à chaque 20 secondes, si tu meurs, tu recommences au début de cette 20 secondes-là. Okay. Donc, ça, c'est très chiant parce que ça, quand tu meurs, ça te fait recommencer un peu plus loin. Il faut que tu reviennes. Et vu que c'est tellement dur, tu as plus de chances de mourir. Donc, ce qu'il faut faire, il faut que tu le mettes à deux. Puis, tout de suite, au début, tu fais mourir le deuxième player toutes ses vies. Puis, quand tu joues à deux, c'est ça l'avantage, ça fait pas recommencer plus loin quand tu meurs. Quand tu joues à deux, tu recommences direct où est-ce que tu étais, puis on continue d'avancer les deux en même temps. Donc, voilà. Ouais, c'est... mais comment tu fais si tu joues tout seul pour un deuxième bonhomme? Tu branches tes deux manettes, tu dis OK, fine, go, on y va. Fait que tu commences le tableau, tu tues le deuxième sans arrêt. Numéro 1, puis tu t'en vas te parquer en haut, puis tu tues le monde qui fonce vers toi, tu laisses l'autre te faire tuer en bas tout seul. Puis quand il est mort, c'est là que tu commences à jouer. Ainsi, avec le jeu dans sa tête, il pense que tu joues toujours à deux, donc tu vas respawner au même endroit que t'es mort. Aïe, aïe. Et ça te permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Mais c'est là. Sûr, là. Parce que recommencer, tu sais, un 20 secondes en arrière, là, tu sais, à Russian Attack, là, c'est vraiment pas désiré. Alors, si vous voulez vous rendre loin, faites ça, mettez-le à deux, laissez le deuxième mourir, et puis vous allez continuer toujours au même endroit où vous mourrez. Ah, c'est fantastique. Fantastique. Ça. Bien, moi, mon truc cette semaine, j'en ai une petite coupe, c'est à Saints Row the Third. Ouais. Vraiment un bon jeu. Puis, pour accéder, c'est des codes. Fait que pour accéder aux codes, vous allez dans le téléphone, vous sélectionnez Extra, puis vous choisissez Cheat. Il y en a vraiment une tonne, mais moi, je vais vous parler de mes préférés parce qu'ils me font vraiment rire. C'est des codes qui affectent les passants. Qui affectent, dans le fond, le monde qui marche dans la rue, tout ça. Okay. Les pedestrians. Puis, y a un truc pour faire envoler les morts. Fait que littéralement, quand quelqu'un crève, à la place de rester à terre, il s'envole dans le ciel. OK. Ah, ben ça, c'est pratique. C'est très pratique. Fait que là, t'inscris Fry Hole. Fait que F-R-Y-H-O-L-E. OK. Pour avoir des passants pactés tout le temps sous. Super. T'écris D-U-I. Fait que D-U-I. Okay. Fait que sûrement que les codes aussi ont un certain rapport avec ce que c'est tout le temps très drôle. Pour que les passants soient tous des mascottes, écrit mascotte en anglais, M-A-S-C-O-T. Pour que les passants soient des pimps puis des prostituées. Ah, ça, c'est un monde idéal. Ça, c'était carré. Un peu comme dans Hochelaga, dans le fond. T'as pas besoin de code, t'as rien qu'à aller là encore. Fait que pour ça, t'écris O-O-O, fait que H-O-H-O-H-O. Ah ouais, comme le Père Noël. Pour des hauts. Ouais, c'est l'esprit des fêtes. Hein? C'est l'esprit des fêtes. Puis pour que les passants soient des zombies, t'écris Brains, fait que tous les passants seraient des zombies. Okay. Donc Brains, B-R-A-I-N-S. Puis il y a une tonne de trucs comme ça. Tu peux vraiment faire n'importe quoi à Saints Row. Ce qui est drôle, c'est que les codes, c'est tout le temps des codes avec des noms super simples. Je sais que quand tu veux faire spawner quelque chose, tu vas avoir une arme ou tu vas avoir un véhicule, tu écris « get », puis le nom de ce que tu veux. Okay. Fait que ça, mettons, le véhicule s'appelle, je sais pas, moi, Toyota, tu écrirais « get Toyota », puis le Toyota va tomber direct à côté de toi. Okay. Fait que ça peut être pratique. Peux-tu essayer des fois pendant quand même la mission pour essayer de découvrir des affaires? Ou... Moi, j'en ai essayé une coupe, puis ça fonctionne, puis c'est super drôle. T'sais, c'était tellement un jeu déjanté, puis c'est un jeu que je critique pas, fait que je me permets de déconner avec les codes puis tout. C'est super drôle. Là, fait que... Comme un peu du Scribble Note à travers. Oui! Ah, vraiment, là. Puis ils en ont vraiment mis beaucoup. Puis tu sais, c'est apparent. Tu arrives dans ton téléphone, tu vois Cheats. C'est fait pour ça. Puis ils veulent que le monde les découvre. Puis ils veulent que le monde les mette. Là, puis t'es pas, jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu voir, t'es pas pénalisé pour avoir mis des codes. OK. Fait que c'est ça. Eux autres, dans le fond, Saints Row, ils veulent juste être du fun. Ah oui, c'est ça. That's it. Excellent. Bon, ben c'est ce qui conclut notre 18e épisode, notre grand retour au début 2012. Ouais. On espère que la nouvelle formule vous a plu et va continuer de vous plaire au cours des prochaines semaines. Oui. Nous, on aime bien ça. En tout cas, ça change la dynamique. Ah oui, mais ça. Hein. On va continuer de même. On apprend des affaires. Oui, on apprend des affaires. C'est fun. C'est pas merveilleux, ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, l'épisode, finalement, est très, très long. Ouais. Ça, c'est dû au fait qu'on a couvert une tonne de jeux au début. Oui. Chose qui n'arrivera pas aux prochaines semaines. Ça va être un ou deux chaque, là, quelque chose comme ça. Puis ça va être un léger survol. Puis, on va s'ajuster aussi là, pour les chroniques de créateurs, de héros, vilains. C'est ça. Tu sais, on s'ajuste, là, dans le fond. On veut pas que ça soit trop long non plus. Parce non, que c'est ça. Ça vient lourd. c'est ça, ça vient lourd. Puis des fois aussi, quand c'est trop long, l'affaire, tu sais, je sais qu'il y a des podcasts qui durent 2 heures qui sont écœurants. Ouais. Mais quand ton podcast, tu l'enregistres pendant 2 heures, 2 heures et demie, à un moment donné, là, t'as plus d'énergie. Ouais, là, tu sais, tu commences à être comme... Ouais, j'ai joué à ça. Puis, fait que c'est ça, on n'a pas le goût que ça soit de même. Fait que c'est ça, c'est tout simplement pour ça. Puis on veut que ça soit structuré, que ça ressemble à un vrai show solide, ouais, pour lequel vous payerez de l'argent normalement, ouais, mais que là, payé. C'est gratos. Ok, ouais, fait ouais. Que, mais que vous non, faites mais, des dons, je veux dire. C'est mais ça, il y a quand même du monde qui font des dons, puis merci énormément à ces gens-là, mais... bref, on veut vous donner du produit. On veut que ce soit un vrai show, puis on veut que ce soit tight. Puis on veut que ce soit pas trop long ni pénible. Exact. Donc, on s'ajuste. Puis d'ailleurs, on écoute vos commentaires, puis on lit vos commentaires. Ouais. C'est un peu pour ça aussi qu'il y a une nouvelle formule. Absolument. On a vraiment lu les commentaires des fans, puis on est à l'écoute. On cherche juste à s'améliorer tout le temps. Fait que c'est ça. Puis moi, en conclusion, je voulais dire que j'ai participé récemment à l'émission 3 bières. Ouais. Qui a été pas mal amusante, vraiment. Une belle petite gang, super cool, de Pointe-Saint-Charles. Ouais, hein? Et puis, ça a été vraiment le fun. On a pigé 3 sujets. Puis, des sujets qui fitaient quand même avec, genre, le collectionnage, puis des affaires. Ça fitait avec moi, j'étais vraiment content. Toi, t'sais. Puis c'était quoi dans l'autre truc? On a parlé des collections, on a parlé du... On a parlé des femmes au foyer. Ouais. Puis on a. C'était quoi un autre truc? C'était pas de gamer, mais tu sais que. Ah oui, c'était les jeux Facebook. Les jeux Facebook. Qu'est-ce qu'on c'est pensait ça. Des jeux Facebook, ah, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Puis si vous connaissez pas, allez découvrir ce podcast-là. C'est vraiment très le fun. Puis c'est vraiment. C'est du monde intéressant et intéressé qui pige des sujets à toutes les semaines qui viennent du public. Fait que c'est tout le temps super le fun de voir où ça va s'en aller. 3 personnes très sympathiques. J'ai adoré mon passage là-bas. Le dernier épisode qui est sorti, l'épisode 12, et l'épisode dans lequel je suis. Excellent. Allez écouter ça pour plus de Bruno Georget. Yes. Fait que that's it. That's it pour cette semaine. Fait que merci. Merci tout le monde. Merci tout le monde. À la prochaine en stéréo. En stéréo. Retro Nouveau.